Bonjour, j'interviens juste rapidement avant de démarrer cette émission, ce podcast numéro 20 du podcast Movies Nerd, pour vous annoncer que on a, comme je le dis après le générique dans l'introduction, qu'on a changé de manière d'enregistrement et donc là je suis au montage. Je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur au niveau de mon micro, que j'avais réglé un petit peu trop fort. Donc parfois, on va entendre, enfin vous allez entendre mon micro qui fait un bruit de saturation. Voilà, donc c'est pas très gênant, c'est moins gênant déjà que la dernière fois. On a dû trouver cette solution rapidement, donc j'ai pas eu le temps de faire tous les réglages que je voulais et de vérifier que tout fonctionnait parfaitement. Par contre, toutes les autres voix, donc j'aurai avec moi dans cette émission Eddie, Morgan et Quentin. Donc toutes les autres voix sont vraiment très nettes, on les a jamais entendues aussi bien. Donc c'est pour ça qu'on a changé de manière d'enregistrer et le mois prochain pour le podcast numéro 20. Je vous assure que toutes les voix seront claires et audibles. Voilà, c'est juste, je voulais juste vous prévenir parce que je suis désolé d'avoir vu ça uniquement au montage et je vous souhaite quand même un très bon épisode et on se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro du podcast Movies Nerd. D'ici là, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Nerd Cinéphile, le podcast Movies Nerd. Pour rappel, c'est l'émission mensuelle où nous nous retrouvons entre passionnés de cinéma pour parler et donner nos avis sur différents films que l'on a pu voir durant le mois passé. Vous écoutez en ce moment l'épisode 20, enregistré le 6 novembre 2015. Je m'appelle Axel, je suis un des autres durant ce podcast, mais je ne suis pas seul car j'ai mon équipe de choc de nouveau au complet pour ce podcast en commençant par Quentin. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va, super. Ensuite, vous le connaissez aussi si vous êtes un ou une habitué du podcast, Eddie. Salut. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, puisqu'il a fêté son anniversaire hier et il a cru qu'on allait l'oublier. Donc, bon anniversaire, Morgan. Voilà, on te l'a déjà souhaité, mais on te le re-souhaite encore. Ouais, c'était très touchant vos messages, vraiment. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour souhaiter un bon anniversaire à Morgane et puis aller lui souhaiter et m'offrir des cadeaux, surtout les messages, m'en fous, c'est les cadeaux qui m'intéressent. Oh là là. sinon, est-ce que votre mois a été chargé en film? Parce que c'est quand même, il y a eu un mois au niveau du cinéma. Ouais. Donc, Eddie. Personnellement, c'est Oui. Ouais. Morgan, dire quelque chose? Oui, je voulais dire que c'était, à mon sens, le meilleur mois cinéma que j'ai eu cette année. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le meilleur. J'ai pas encore vu Seul sur Mars, je suis assez d'accord avec toi. Ce qui est bien, c'est que c'était un mois hyper éclectique en fait. Il y a eu vraiment tous les genres qui sont sortis. On a eu le film français, on a eu du My Wen, on a eu du grand spectacle avec Pan, Seul sur Mars, on a eu un truc, le retour de Zemeckis. On a eu vraiment des gros trucs. Et en plus, j'ai fait l'avant-première de Spectre. Donc vraiment, je les ai accumulés. Bon, je parlerai pas de Spectre aujourd'hui, mais franchement, c'est le meilleur mois que j'ai vécu cette année. Et ça fait plaisir parce que septembre, c'était vraiment très triste. Et là, honnêtement, ah ouais. Donc voilà, on vous prévient juste que c'est une émission un peu spéciale puisqu'il y a beaucoup de films à l'affiche ce mois d'octobre, donc exceptionnellement le sommaire change, mais uniquement pour cette émission. Le podcast du mois prochain aura un sommaire habituel, donc je vais vous annoncer le sommaire. On a deux films du mois ce mois-ci, donc on commencera avec un premier film du mois qui est Crimson Peak. Ensuite on ira sur nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes, et là on a beaucoup de films dont on va vous parler. Et on finira avec un deuxième film du mois qui est The Walk, voilà. Donc maintenant que je vous ai tout annoncé, on va pouvoir commencer avec notre premier film du mois qui est Crimson Peak. Ah, Voilà, donc on est à notre premier film du mois sur Crimson Peak, donc film d'horreur américain réalisé par Guillermo del Toro, sorti le 14 octobre 2015 en France. C'est avec Tom Hiddleston, Charlie Hunnam, Jessica Chastain, Mia Wasikowska. Wasiwawa, comme dirait et Burn Goldman. Voilà. Donc, ben, je vais commencer parce que je suis un peu entre la vie d'Eddie et la vie de Morgane. Quentin n'a malheureusement pas vu le film. Est-ce que ça te tente de voir le film? Oui, ça me tente. Seulement, il est passé à des horaires un peu. Ouais, il passe à des horaires. Voilà, donc j'ai pas trop le temps de. C'était souvent 22h ou 22h oui, matin. Et c'est les films d'horreur. D'horreur. Mais non, c'est pas un film d'horreur, mais ça. Donc, j'ai pas énormément de choses à dire parce que le film, ça fait 15 jours que je l'ai vu et je l'ai assez vite oublié en fait. Même s'il y a quelques trucs qui m'ont marqué, mais c'est pas non plus un film qui restera pour mon top de l'année, ça c'est sûr. Donc, j'ai trouvé, pour moi, la plus grosse qualité du film, c'est qu'il est magnifiquement réalisé. Tout ce qui est des décors, des costumes, il y a une véritable ambiance début 20e siècle qui me plaît beaucoup en fait. Je suis vraiment tombé amoureux de l'univers du film, c'est vraiment une beauté graphique incroyable. Je suis content de voir aussi que Del Toro n'utilise pas d'effets superficiels et surutilisés dans le cinéma d'épouvante, genre le jumpscare, etc. Il préfère poser une ambiance avec ses créatures très chères, qui lui sont très chères et qui font toujours mouche dans ses films. Et d'ailleurs, elles sont très très bien faites dans ce film, encore une fois. On a vraiment l'impression de quelque chose de réel, de pas virtuel en fait. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'apprécie énormément dans les films de Del Toro. Après, les acteurs sont vraiment très bons. Tom Hiddleston, Jessica Chastain aussi, qui est très flippante dans le film. Mia Wasikowska, donc l'héroïne principale du film, est aussi, je trouve, une très bonne actrice. Même si c'est pas non plus la plus grande actrice de tous les temps, mais je trouve qu'elle interprète très bien son rôle. Sinon, à part ça, la musique est splendide, j'ai trouvé parfaitement. Ouais, vraiment, je l'ai réécouté encore une fois, même avant de faire le podcast d'ailleurs, et j'ai trouvé magnifique et parfaitement synchronisé avec l'ambiance du film. Par contre, le souci que j'ai eu, c'est un peu au niveau du scénario. Je sais qu'Eddie aussi a eu quelques soucis au niveau du scénario. Je sais que Morgane n'est pas du tout d'accord avec ça, donc. Oui, mais Morgane a tort. Donc, j'avais l'impression un peu. J'avais l'impression un peu de me retrouver dans un train fantôme et je voyais des choses qui apparaissaient et puis ça me faisait j'avais pas énormément d'intérêt en fait pour les choses qui se passent. Pour moi, la dernière demi-heure du film monte vraiment en intensité et c'est plutôt agréable, mais ça aurait dû venir un peu avant, je trouve. Le final est quand même assez beau. Je suis tombé amoureux de l'univers du film, comme je l'ai dit, mais l'histoire est sympa sans plus, quoi. C'est pas non plus quelque chose qui me marquera à vie. On sent bien qu'il a pas fait le film pour le scénario. Voilà, c'est ça. Et pourtant, apparemment, il a passé je sais plus combien d'années à l'écrire, mais franchement. Mais ça se voit ou pas? Ben non, ça se voit pas. Mais bien sûr que si. Je trouve. Alors moi je suis pas d'accord, parce que je trouve qu'il y a deux écoles dans les critiques qui se battent sur ce film. Il y a ceux qui trouvent que le scénario est prévisible, ils ont raison. Mais ça en fait pas un défaut pour autant, dans la mesure où j'ai l'impression en voyant ce film-là, que Del Toro savait exactement, savait ce qu'il mettait en scène, savait ce qu'il faisait avec son histoire. Mm-hmm. Du coup, il y a vraiment aucune surprise dans le film. Les intentions des personnages, ils sont palpable dès le début. Quand on voit Tom Hiddleston, on sait qu'il est méchant. Il nous est présenté comme tel. Quand on le voit avec Jessica Chastain, les manigans, on sait que c'est vraiment les méchants. Ils sont même stéréotypés. Mais je trouve que, justement, moi, j'ai perçu ce film comme un conte horrifique pour adultes à la manière d'un Disney. Ce qui avait totalement foiré Tim Burton avec Alice, par exemple. Je pense que Tim Burton aurait fait un truc comme ça. Là, des clichés, on en aurait eu, mais à l'appel. Mais il aurait jamais fait ça chez Disney, de toute façon. Non, mais oui, mais enfin. Disney l'aurait jamais laissé faire ça. Oui. Que ce soit chez Disney ou autre, enfin, ou la Warner. C'est bien gore d'ailleurs. C'est... Oui, oui, mais Tim Burton aurait pu le faire dans les années 90 sans problème. Hein. C'était un... enfin, moi, quand j'ai vu ça, Del Toro, Burt... enfin, pour moi, Tim Burton commence à décéder. Del Toro, bah, en termes d'univers, a quand même surpassé ce monsieur-là. Oui. Et j'ai vraiment eu l'impression, durant ce film, que Del Toro, vraiment, il menait son projet jusqu'au bout. On retrouve d'ailleurs des thématiques hyper proches de ces films, notamment Le Labyrinthe de Pan, cette idée de la figure paternelle perdue. Je trouve que c'est une thématique qui est assez récurrente dans ces films, mais là, honnêtement, je trouve qu'elle est, elle est absolument bien traitée. C'est d'ailleurs aidé par le jeu des acteurs. Moi, je trouve les acteurs mais exceptionnels. Tom Hiddleston en premier, parce qu'honnêtement, moi, Loki, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je savais pas que c'était un bon acteur avant de voir ce film, vraiment. Bon, même si c'est un peu réducteur de réduire Tom Hiddleston à Loki, mais j'ai pas vu Only Lovers Left Alive, oui, qui est très très bien. Ça, je l'ai pas vu, donc voilà. Jessica Chastain, elle est juste vénéneuse à souhait. Et du coup, quand je fais le parallèle avec Disney, j'ai vraiment l'impression de voir un film. Pour moi, c'est un film Disney en live, dans la mesure où tous les personnages sont stéréotypés. Mais vraiment, hein, et il y a même un côté un peu, comment dire, dans la direction d'acteur, il y a un côté un peu, comment je pourrais dire, ouais, dans la manière de jouer, il y a un côté c'est joué au forceps. Jessica Chastain force le trait vers la fin. Elle joue physiquement. Et je trouve que ça colle carrément à l'univers visuel, parce que visuellement le film, pour moi, c'est une leçon de mise en scène à tous les plans. Le découpage, la photo, je trouve que c'est d'une beauté. Oui. Franchement, j'applaudissais au moins à chaque fin de scène, quoi. La scène de danse, la scène de valse. Enfin, pour moi, c'est un film qui est nourri d'un talent de réalisateur. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est un film de réalisateur plutôt qu'un film de scénariste. Exactement. Mais le scénario, à défaut d'être surprenant, je suis d'accord avec toi, mais je l'ai trouvé super bien efficace, quoi. C'est-à-dire, jusqu'au bout, j'ai même eu peur. Enfin, c'est là aussi où j'étais un peu plus sceptique. Je me disais, c'est Del Toro. Est-ce que j'ai déjà eu peur chez Del Toro? Personnellement, non. Le Labyrinthe de Pan me fascine, il ne me fait pas peur. Que la Crimson Peak, j'étais caché sous mon écharpe. Je trouve que le programme horrifique marche vachement bien, parce que visuellement, au niveau de la texture, c'est vraiment super bien maîtrisé. Et le programme horrifique, le programme d'angoisse, il marche. Et mêlé avec ce pendant fantastique, dramatique, c'est vraiment un espèce de gros pudding. Il y a vraiment plusieurs genres en un. Et franchement, j'ai passé 2 heures, mais je me suis régalé pendant 2 heures. J'ai eu peur, j'ai été émerveillé. Pour moi, c'est vraiment une tuerie visuelle. En matière de scénario, bah, je trouve que Del Toro, voilà, il fait ce qu'on attend de lui, mais il apporte un truc en plus. Et c'est là, le film est pas que... Pour moi, le film n'est pas simpliste, parce qu'il fait ce qu'on attend, mais derrière, il propose quelque chose. Et pour moi, justement, le visuel aide à soulever un scénario qu'on peut trouver un peu prévisible. Mais le scénario, j'ai marché à fond dedans, il n'y a pas de problème. J'ai pas été surpris, mais j'ai été captivé de bout en bout. Ok. Moi, contrairement à toi, j'ai vraiment pas été réceptif du tout à ce scénario simpliste et qui semble cacher des choses que du coup j'ai pas dû percevoir, parce que pour moi c'est un peu le problème du film. Pour moi, c'est que Del Toro, il développe toute une imagerie fantasque, horrifique et tout, qui fonctionne parfaitement, ça, y a pas de problème. Le seul souci, c'est que révolutionner un genre, c'est bien, parce que ça, il y arrive, il révolutionne vraiment visuellement, en tout cas, le genre de l'horreur avec ce film-là, au même titre qu'il révolutionnait un petit peu le genre des combats de kaiju et de gros robots avec Pacific Rim. Mais en fait, Crimson Peak, il a un peu le même problème que Pacific Rim, dans le fond. Pas d'accord. C'est évidemment que c'est magnifique, mais ça repose toujours sur des scénarios très minces qui ont pas grand chose à proposer. Et autant dans Pacific Rim, c'est pas hyper gênant, parce que à la limite, il va vraiment pour te divertir, entre guillemets. C'est de l'argument de merde, mais je le dis quand même. Mais dans Crimson Peak, ce qui est gênant, c'est que tu t'attends justement à ce qu'il y ait quelque chose derrière. Alors toi, tu l'as ressenti, moi pas du tout. J'ai trouvé ça évidemment très beau, mais je m'attendais à, je sais pas, quand tu me parles de la figure du père et tout. Alors autant dans le Labyrinthe de Pan, ça c'est clair que tu le ressens vraiment. Oui, si tu poussais dans le Labyrinthe de Pan, je suis d'accord. Rien que le faune déjà te rappelle le père de je sais plus comment s'appelle la gamine. dans le labyrinthe de Pan. Mais là, c'est voilà, il y a pas de, je trouve pas qu'il y ait de vraies thématiques de fond qui ressortent. Alors on te parle un peu du deuil, on te parle un peu de l'éveil de la sexualité aussi. Enfin, c'est un film là-dessus. Ouais, mais c'est vraiment survolé, quoi. Je suis pas d'accord. Moi la scène de sexe dans le film. Je la trouve hyper viscérale, cette scène. Au contraire, elle est, c'est le moment où le personnage change complètement. Et d'ailleurs, le film, je pense qu'il faudrait que je le revoie pour le réévaluer, enfin pour le réinterpréter un peu. Mais je trouve que justement, la dimension sexuelle du film, que j'ai pas vu venir pour le coup, déjà, la scène est magnifique. Et deux, c'est la scène où tout bascule et le film, à ce moment-là, part. Enfin, c'est vraiment là, c'est un point sur lequel je suis pas d'accord, et même par rapport à Pacific Rim. Pour moi, Pacific Rim, c'est pas juste un film divertissant, c'est vraiment des films les plus profonds que j'ai vus en 2013. Mais voilà, mais après, c'est un peu. Je comprends pas. Enfin, en fait, ce que je reprocherais au film, c'est ça, c'est que c'est vraiment. Développer de l'imagerie comme ça, il n'y a pas de problème. Je trouve ça très bien, surtout que Del Toro, il a vraiment la sincérité de le faire. C'est-à-dire que il va utiliser des effets traditionnels qu'il va combiner à du numérique. Mais c'est pas old school, c'est ça fait très film des années 90, mais en même temps c'est fait de manière très actuelle. Donc ça, ouais. C'est en ça que c'est assez révolutionnaire en fait dans la forme. Par contre, c'est vrai que dans le fond, c'est creux quoi. Je trouve qu'il y a pas de, t'as pas de grosses thématiques qui ressortent, et c'est dommage parce que dans Pacific Rim, justement si tu y vas pour te divertir, à la limite c'est pas gênant, tu t'es pas obligé de t'attendre à ce qu'il y ait des grandes questions qui te trottent dans la tête et qui peuvent ressortir dans le film. Je trouve que avec un sujet comme celui qu'il essaie de développer maladroitement dans Crimson Peak, c'est assez problématique parce que il avait la possibilité de faire plein de choses, et finalement des péripéties qui sont raccordées les unes aux autres pour aboutir à un final et à quelques ressortissants dramatiques, tout ça. Mais la narration, elle est hyper hyper classique, mais ça c'est pas forcément un problème, mais je trouve qu'elle est pas, c'est même pas qu'elle est décousue, c'est qu'elle est pas, je la trouve pas efficace en fait, cette narration. Elle m'a laissé vraiment Ouais, t'as pas été captivé, t'as pas été ému non plus. Non, pas du tout, ça m'a, pas du tout, enfin, elle m'a vraiment laissé à côté de la plaque, et je trouve que voilà, devenant de quelqu'un comme Del Toro, c'est dommage. Donc moi j'avais trouvé dommage déjà qu'il aille pas plus loin avec son Pacific Rim, mais ça c'est peut-être parce que je suis trop exigeant ou je sais pas. En fait, c'est que, évidemment, enfin, ce qui est compliqué avec un cinéaste comme Del Toro qui a fait des films qui a vraiment eu son chef-d'œuvre entre guillemets, c'est ouais. Donc là je parle de Del Toro, mais ça peut s'apparenter à plein d'autres cinéastes. C'est un cinéaste comme ça qui a eu son chef-d'œuvre, évidemment que quand tu découvres ses nouveaux films, même inconsciemment tu es amené à faire la comparaison. Et Crimson Peak est tellement beau visuellement, te rappelle tellement le labyrinthe de Pan, que tu peux pas passer à côté de l'idée de faire la comparaison. Oui, et même dans les thématiques, les thématiques sont les mêmes. C'est plus fort dans le labyrinthe de Pan, je suis vraiment d'accord. Ouais, mais même avant que tu en parles, tu vois, moi j'aurais pas, pour moi les thématiques du labyrinthe de Pan sont à des années-lumière de celle de Crimson Peak. Je dis pas que toutes sont là, mais on retrouve quelques thématiques propres à Del Toro, des thématiques dont il aime bien parler au fil de ses films, et au niveau du deuil. Le deuil, c'est vraiment que dans Pacific Rim, tu avais aussi ça, hein, le deuil. C'était aussi les deux frères dans Pacific Rim. J'avais trouvé ça hyper touchant. Et puis les parents. Pour moi, honnêtement, je trouve qu'en matière d'émotion, alors après, c'est extrêmement subjectif, mais la scène la scène d'intro dans Pacific Rim, en matière, enfin, la façon dont il a d'amener le deuil, d'amener la perte de quelqu'un de proche qu'on aime, je trouve qu'en termes d'émotion, c'est vraiment similaire. J'ai ressenti les mêmes. Bon, j'étais plus ému dans Pacific Rim, parce que je trouve la scène de la mort du père, bon, c'est pas un spoil, mais en même temps, c'est dit dans la bande-annonce, extrêmement forte, quoi. Et à ce moment-là, quand elle le voit, je trouve que c'est. J'ai trouvé ça poignant, quoi. Après, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu as été gêné par le côté classique du scénario. Après, je pense que c'est voulu parce que, effectivement, voilà, comme j'ai dit, c'est des codes. Voilà, Del Toro fonctionne un peu par des codes. Mais derrière, je trouve quand même personnellement qu'il y a quand même quelque chose d'autre derrière. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et visuellement, je trouve tellement le film. Mais amen, quoi. À chaque fois, à chaque plan, j'étais estomaqué. Des histoires c'est un grand raconteur d'histoire. C'est vraiment ce château, ce décor, cet imaginaire. Ça fait longtemps que j'avais vu un film mais comme ça. C'est sublime. Mais moi, c'est ce qui est, c'est vraiment la bande-annonce. Bon, même si j'en ai bouffé énormément via la VOD parce qu'il te passe que ça. Mais ça m'a pas dégoûté de voir le film parce que ça avait l'air tellement beau, tellement. Mm-hmm. Déjà, la bande-annonce était super forte visuellement. Ouais. C'est vrai que. On voit rien dans la bande-annonce. Hein. Non, la façon de la bande-annonce, elle est pas représentative du tout justement. Du film. La bande-annonce te vend un film d'horreur stylisé, soigné et tout. Moi je m'attendais pas à ça, il y a un petit peu de ça, mais bon après moi le problème c'est que ça c'est très personnel, c'est que moi je suis difficilement impressionnable sur les films d'horreur. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de films d'horreur qui arrivent à me faire peur, parce que vu que c'est à peu près les mêmes mécaniques partout, au bout d'un moment tu commences à être habitué. Voilà, et c'est vrai que justement c'est ça que je trouvais bien, c'est qu'il utilisait pas de jumpscare. Et pourtant il y en a un, moi j'ai trouvé. Oui, il y en a. Vraiment ? Scène du couloir, il y a beaucoup de scènes de couloir, mais oui, ça joue. Mais c'est plein de trucs comme ça, il utilise plein de codes, le coup de quand elle joue à la balle avec son chien et que elle balance la balle au fur et à mesure, tu te dis mais il y a forcément un moment où elle reviendra pas. Il joue sur des trucs comme ça. Exactement, mais il le fait tellement bien. C'est ça qu'il a. Moi je trouve qu'il le fait quoi, il l'utilise, mais est-ce qu'il le fait tellement bien, j'en suis pas persuadé. Je trouve que il y a d'autres façons de traiter ça, et ce qui me gêne en fait c'est que là où il amène énormément d'originalité visuellement, il le fait pas de manière narrative à côté, et c'est ça qui m'emmerde en fait. C'est parce qu'il est capable de le faire justement. C'est ça qui est frustrant en fait. C'est pour ça que quand je suis ressorti du film, j'étais déçu, dans le sens où Del Toro, quand tu connais un peu sa filmographie et ce qu'il est capable de faire, et surtout son imagerie à lui, tu sais qu'il est capable d'aller dans des trucs hyper poussés, et en fait Crimson Peak, t'as l'impression qu'il arrive juste au bord, il ose pas mettre les deux pieds dedans en fait. Donc voilà. Alors même si évidemment la mise en scène est efficace, le final est très beau, très attendu. C'est pas bien payé. Pour moi, c'est pas efficace. Pour moi, c'est une leçon de mise en scène, ce film. Mais clairement. C'est majestueux, c'est tout ce que tu veux. Les envolées lyriques, pour moi, c'est vraiment l'horreur avec du lyrisme. Les acteurs, quoi. C'est un pur film de comédien. Jessica Chastain, elle est magnifique. Ils sont très bien, mais après, pareil, le côté personnage stéréotypé. Ça fonctionne, mais encore, voilà, je trouve que c'est pas desservi après par le scénario non plus. Donc, je comprends totalement ton avis, honnêtement. Comme je dis, il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui sont comme toi, voilà. Mais je suis peut-être con, parce que moi tout ce que tu trouves de beau en fait dans Crimson Peak, moi je le trouve beau dans Jurassic World, qui utilise un peu les mêmes trucs avec des personnages stéréotypés, une histoire attendue et tout. Et moi en fait, je trouve que ça dénonce quelque chose derrière. Et j'ai pas ressenti ça dans Crimson Peak, tu vois. Par exemple. A contrario, dans Jurassic World, pour moi, il n'y a pas de. Mais c'est vrai, donc tu vois, c'est vraiment. Oui, bon, on va pouvoir continuer pendant des heures comme ça. Donc, c'est beau, mais non, mais c'est pas. Donc, si, Crimson Peak, c'est. C'est magnifique, mais derrière. C'est un petit peu plat, et moi, j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus relevé. Mais bon, c'est pas un mauvais film pour autant, mais moi, c'est vrai que j'ai été déçu, parce que je me suis rendu compte que. En fait, en ressortant de la salle, je me suis rendu compte que c'est un film que j'avais beaucoup attendu. Oui, trop, peut-être. Peut-être. A contrario de moi, honnêtement, j'y suis allé en me disant ça va juste être beau. Contrairement à Jurassic World, que je n'attendais pas du tout, par exemple. Non, mais je pense que j'ai peut-être. Non, puis t'as été objectif, c'est ça qui est bien. T'aurais très bien pu l'aimer malgré tout. T'as été un peu déçu. Ouais, non, mais je comprends. Oui. Hein. Ouais. Moi, je me souviens après la séance, j'ai appelé Quentin en disant va voir ce film, c'est une leçon de cinéma. Bon, par contre, après, c'est vrai que si on veut parler casting, c'est vrai que Jessica Chastain, elle est parfaite. Ah, mais c'est de toute façon, quelle divinité, mais merci Terrence Malick, mais merci. Franchement, c'est lui qui l'a révélé, et ça me fait encore plus aimer The Tree of Life. Mais bien sûr, mais The Tree of Life est un film parfait de toute façon. Donc oui, Jessica Chastain est très bien, Tom Hiddleston est très très bien, comme à son habitude, parce que moi-même en Loki, je le trouve bien. Oui, je trouve que c'est lui qui apporte le plus de profondeur en fait dans le premier Avengers, donc. Faut y aller pour trouver de la profondeur là-dedans. Et même dans Thor 2, et même dans le premier Thor, je trouve aussi. Ouais. Donc voilà, enfin je suis assez admiratif de ça, et même Mia Wasikowska Elle est excellente. Elle est excellente. Qui est très bien, qui est aussi bien que dans Stalker, je trouve. Oui. Donc, à des années-lumière de Alice, évidemment. Même si finalement, dans Alice, elle était. Bon, le film n'est pas terrible, mais elle n'est pas si mauvaise c'est, que ça. C'est elle qui s'en sort le mieux, parce que le reste, voilà. Dans Alice. Donc, bon, Crimson Peak, non, c'est particulier. C'est. Ok. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va se parler Crimson Peak. Hein. Voilà, donc vous avez nos trois avis. Et puis, bah, si, je ne sais pas s'il est encore s'il est encore en salle. Mais je ne sais pas s'il a si bien marché que ça en France, d'ailleurs. Je n'ai pas l'impression qu'il ait si bien marché que ça. Voilà. Même donc, dans le monde, je ne suis pas sûr que. Bon, ben bah, voilà. bah, on va passer maintenant à nos coups de gueule et découvertes, puisqu'il y en a pas mal. Ce mois-ci. On est donc à la rubrique des coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Morgane veut absolument nous parler de Seul sur Mars, donc je vais te laisser la parole. Ah, Seul sur Mars, film très attendu par moi et en même temps c'est un film qui me faisait extrêmement peur pour deux raisons. Alors pourquoi j'attendais le film ? Déjà pour le sujet. Alors pour resituer les choses, à la base c'est un livre de Andy Weir, sorti en 2011 il me semble. Bon, le titre parle de lui-même, hein. C'est un gars qui, suite à une mission sur Mars, va être laissé pour mort par ses collègues qui vont repartir sur Terre et lui, en fait, enfin, le croyant mort, et lui va rester, en fait, il est vivant, donc il va rester seul sur Mars. Le problème, c'est qu'il lui reste que 30 jours de vivre et il va devoir en gros se démerder pour cultiver ses pommes de terre, fabriquer de l'eau, etc., jusqu'à l'arrivée de la prochaine mission sur Mars qui est prévue pour dans 4 ans. Voilà, je rentre pas plus dans les détails. Donc c'est Ridley Scott qui a réalisé le film. Alors Ridley Scott, bah, on peut dire que c'est un réalisateur un peu inégal, hein, parce que bon, certes, le monsieur a fait Alien. Il a fait Blade Runner que je n'ai pas vu, mais je veux dire que c'est magnifique pour pas avoir d'emmerde. Mais il a fait surtout des derniers films un peu calamiteux. Cartel, Prometheus, tout ça. Cartel, il paraît que c'était pourri. Hein. Cartel, c'était une catastrophe. Exodus aussi. Qui c'est qui a dit Exodus ? Moi, je l'ai dit, Exodus. Non, Exodus, moi j'ai bien aimé. Je trouvais ça chiant. Mais de toute façon, les péplums, ça m'emmerde. Vraiment, je suis pas très objectif. Les péplums, honnêtement... Puis bon, tu mets Christian Bale dans un Peplum, ouais, bref, bon, ok, d'accord. Donc je préfère Matt Damon Seul sur Mars. Oh mon dieu, non, Matt Damon, attends. T'aimes pas Matt Damon du tout ? Matt Damon, c'est il a le charisme d'un pachyderme fiévreux, je trouve. Ah, mais ne va pas voir le film, vu que le film, quand même, c'est quand même un festival, c'est un one-man show, Matt Damon, je vais revenir non, après. Non, mais je pense que ça va pas être possible. De toute façon, c'est pour ça que j'y ai pas été encore. Alors, alors, ceux qui me connaissent bien savent que je porte dans mon cœur un certain film qui se passe dans l'espace qui s'appelle Gravity et que j'aime tous les films qui se déroulent dans l'espace. Oui. Alors, je vais recontextualiser les choses. Ne comparez pas Gravity à Seul sur Mars, ni Seul sur Mars à Interstellar, ni Interstellar à Gravity, ni rien. Les trois films n'ont rien à voir. Seul sur Mars est un film un peu déroutant dans la mesure où ceux qui ont vu la bande-annonce, comme moi, peuvent s'attendre à un film hyper dramatique et sachant que c'est Ridley Scott... Moi, je m'attendais vraiment à un Ridley Scott un peu qui revient vraiment à ses premiers amours, à une science-fiction très poseur, très métaphysique, philosophique et compagnie. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Seul sur Mars, c'est un film, honnêtement, et le terme peut en surprendre, c'est un film qui m'a éclaté. Je me suis amusé devant ce film. On n'est pas du tout dans un survival, enfin oui, un petit peu, mais j'ai vraiment vécu le film comme un... C'est vraiment la NASA expliquée aux enfants. Alors effectivement, ça peut faire peur, on peut dire Ridley Scott nous prend pour des cons, pas du tout. J'ai pas lu le livre, mais il paraît que dans le livre, c'est un livre assez avec des répliques assez ironiques, un peu sarcastiques et compagnie. Et en fait, c'est Matt Damon, pendant 2h30, même si le film alterne entre les scènes dans l'espace, sur Mars, et les scènes sur la Terre avec... Jeff Daniels qui joue le rôle du directeur de la NASA qui lui est au courant que Matt Damon est en vie mais qui fait tout son possible pour essayer de le sauver. Donc je vais vraiment pas m'atteler sur le scénario parce que je préfère vraiment que vous alliez le découvrir. Mais c'est un film qui, en matière de réalisation, je l'ai trouvé épatant parce que Ridley Scott m'a montré une facette de lui que je ne connaissais pas. Moi, vraiment, je connaissais le Ridley Scott sérieux, un télo, un peu chiant aussi, disons les choses. Et là, en fait, j'ai vu un réalisateur qui s'est amusé, qui s'éclate, et nous avec. C'est-à-dire que Seul sur Mars, c'est vraiment un one-man show durant 2h30 où Matt Damon fait un peu le clown. C'est le personnage qui est comme ça, d'ailleurs. Hein, et à tel point que tout le film est, je trouve, nourri d'une espèce de légèreté d'un qui vraiment joue en sa faveur. On n'est vraiment pas dans un film d'immersion, on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment un film qui se regarde, c'est un divertissement, c'est un film généreux, qui est vraiment, vraiment drôle, qui est aidé aussi par une bande originale. Alors là, pour le coup, bon, je vais pas spoiler. Ouais, j'en ai entendu parler. Il y a du Abba, il y a du Donna Summer, enfin vraiment, il faut le voir pour le voir. Etc. Il y a David Bowie et je trouve d'ailleurs que le film alterne entre scènes, on va dire, un peu pas parodiques, mais un peu légères, et scènes d'émotion vraiment fortes. Mais je trouve que le film n'en fait jamais trop. Il est ni trop pas sérieux, ni trop sérieux. Je trouve qu'il y a un ton qui est vraiment bien dosé. Du coup, les 2h30 passent nickel. Enfin, j'étais comme un fou devant ce film. La 3D, qui parfois est un peu accessoire, mais durant certaines scènes, ça marche, notamment la scène du début dans la tempête de sable. Je trouve que c'est vraiment une immersion. Enfin, on ne pouvait pas mieux démarrer le film. Pour nous intégrer dans l'univers, il y avait vraiment, je trouve que la 3D aide énormément. Les acteurs sont excellents. Enfin, Matt Damon, moi, contrairement à Eddie, j'ai aucun problème avec lui. J'ai trouvé vraiment drôle, très charismatique. Mais et le reste des comédies. Enfin, le reste des comédiens, alors on va reciter, c'est thématique, c'est Jessica Chastain hein, dans ce podcast. Oui, c'est vrai. Mais elle est dedans, et d'ailleurs c'est grâce à elle que dans le film on entend du Abba et du voilà tout ça, donc moi, je l'aime encore plus. Alors tous les personnages sont pas développés à 100%, mais ils ont leur moment de bravoure. Mais de toute façon le film ne peut pas Enfin, pour moi, le film aurait pu très bien se contenter de Matt Damon seul sur Mars. Ça aurait vraiment été... voilà, je trouve qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus. Je trouve qu'il a juste développé l'essentiel. Mais c'est un vrai film fun. Mais vraiment, j'insiste bien là-dessus. Ne vous attendez pas à un truc sérieux. Ne vous attendez pas à du larmoyant. On n'est pas du tout là-dedans. C'est pas du tout un film qui va vous faire chialer. Même s'il y a un petit moment d'émotion vers la fin que je trouve très, vraiment très fort. Mais le film détourne, je trouve, les clichés qu'on pouvait attendre dans ce genre de film. Si je prends Gravity, c'était un peu la même chose. Enfin, pas la même chose, mais disons, Gravity, il allait un peu dans le cliché, même si c'est magnifique. Le côté, oui, j'ai perdu ma fille, etc. Et ça jouait beaucoup là-dessus. On sortait un peu les violons. Même si moi, les violons, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup de fois. Mais là, justement, je trouve qu'il y a un parti pris génial dans le film, c'est qu'on ne connaît pas la vie de ce mec-là. Il parle de sa femme, il parle de son fils, on ne les voit pas du tout. C'est vraiment... c'est un choix de réalisation qui est vraiment intelligent et qui, je trouve, fait que le film garde toujours son côté fun. Et c'est vraiment un vrai désir de réalisateur. Et vraiment, c'est épatant. J'attendais vraiment pas Ridley Scott dans cette exercice là. Je trouve qu'au contraire, voilà, c'est un film, c'est un plaisir quoi. C'est vraiment un plaisir pendant 2h30. C'est vraiment, on danse. Enfin, le générique de fin, mais c'est juste. Enfin, quand vous entendrez le générique de fin, alors pour le coup, je vais rien vous dire, mais quand vous entendrez la musique du générique de fin, vous allez dire ok, d'accord, c'est pas un film sérieux, mais c'est un film d'éclate. C'est vraiment le pur divertissement dans tout ce qu'il y a de plus noble, mais c'est du divertissement à grande échelle. Hein. C'est vraiment le gros spectacle, effectivement. C'est improbable, effectivement. Les 20 dernières minutes, il y a un côté un peu cartoon. Encore une fois, mais c'est il faut accepter, c'est vraiment une démarche quoi. Et c'est, il faut pas aller le voir en disant ouais, alors ça c'est pas cohérent, c'est pas machin, ouais, machin. Non, si franchement on commence avec ça, honnêtement, le film est mort au bout de 20 minutes. Si on accepte de se dire ok, je vais voir un truc un petit peu nawak, un petit peu voilà, honnêtement, ça peut passer. Mais moi, mais c'est justement les personnes qui y vont, ils vont pas. Moi, je sais que j'irai pas du tout dans cette optique-là. C'est pas comme ça que j'imagine le film dans ce qu'on en sait avant de le voir. Donc, honnêtement, la bande-annonce te vend quand même un gros mélodrame dans l'espace. Hein. Enfin, oui, mais à aucun moment la bande-annonce. Mais elle te vend pas du nawak ou quoi que ce soit. Ah bah non, justement, et le film est déroutant parce que moi j'ai un peu, ce que j'adore, ce que j'aime faire quand je sors d'un film, c'est un peu écouter la vie des gens. Il y a des gens qui ont trouvé ça débile, vraiment. Alors que moi, non, j'ai trouvé ça, c'était fun, je me suis éclaté pendant 2h30, ça passe vraiment très vite. Et j'encourage vraiment tout le monde à y aller. Alors bon, il marche beaucoup en France. Il marche bien, ça fait plaisir. C'est d'ailleurs un des plus gros succès, je pense, de Ridley Scott, il me semble, parce qu'en Amérique. Mais ça, c'est quoi, c'est un projet de commande ou c'est un projet original de Ridley Scott? Non, c'est un bouquin adapté. C'est une adaptation. De bouquin. Donc, c'est vrai que le bouquin est très réussi d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de lire et d'ailleurs je n'ai toujours pas vu le film, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mais je suis très impatient de le découvrir en tout cas. En plus, encore plus maintenant que tu en as parlé. Ah, mais ça c'est encore plus envie. Il faut vraiment y aller dans l'optique que on va pas voir du Alien, on va pas voir. Mm-hmm. Non, oui, bien sûr. Mais, enfin, même à la vue de la bande-annonce, ça faisait pas non plus Alien. Hein, c'était pas non plus. Non, mais je veux dire, dans le côté un peu sérieux. Oui, je vois. On pouvait s'attendre à Matt Damon assis sur Mars en train de penser à sa vie. Tout ça. Mmh, on n'est pas du tout là-dedans. Non, c'est Matt Damon qui dit « J'ai faim, je vais faire mes pommes de terre sur Mars. » Et en plus, je trouve que le film est aussi intéressant dans sa mise en scène, dans son montage, dans la façon dont il a, parce que le Matt Damon parle à une caméra pendant tout le film, donc il parle à nous. Et il y a un côté un peu interactif, du coup. Quand on le voit en train de cultiver ses pommes de terre, il nous parle un peu à nous, etc. Enfin, il y a un côté un peu ludique dans le film que j'ai trouvé absolument mais fascinant, drôle. Et c'est vraiment, il y a un ton décalé. Qui pour moi sert le film et hisse le film pour moi dans mon top 5 des meilleurs films que j'ai vu cette année, et c'est peut-être un de mes Ridley Scott préférés. Il est juste derrière Alien pour moi. J'ai pas vu Blade Runner, mais il y a Alien et Seul sur Mars, et j'ai hâte de l'acheter en Blu-ray. Bon, même si j'aimerais peut-être le revoir au cinéma, parce que ça se vit quand même en 3D, mais même si, quoique. Comme j'ai dit, la 3D, c'est accessoire. Enfin, bon, y a des moments où ça marche, des moments non. Mais non, franchement, il faut y aller. C'est un grand film pour moi. C'est un grand spectacle. Et le Ridley Scott est de retour. Ça fait plaisir. Mais j'ai peur parce qu'il a Prometheus. Il repart au casse-pipe avec Prometheus 2, le pauvre. Voilà. Je préfère qu'il fasse Seul sur Mars 2. ok, d'accord. Bon, ben, ça me tente énormément, encore plus que ce que j'étais tenté de base. Quentin, toi, tu voulais aller le voir ou... Je l'ai vu le film. Ah, tu l'as vu? Il l'a vu en avant-première. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, j'ai complètement oublié que tu avais fait. En plus, tu as fait une critique que j'avais lue. Donc, tu peux donner ton avis sur le film. Moi, j'ai pareil comme Morgan, j'ai adoré le film. J'en suis sorti avec la patate. Franchement, c'est. La patate. Oh, c'était. Justement. Ouais, voilà. On parle de pommes de terre dans le film. Alors, il y a une super bande originale. Enfin, oui. Morgan l'a rappelé. Grâce au personnage de Jessica Chastain. Et franchement, ce qui m'a plu dans le film, c'est que dès le début, en fait, j'avais l'impression... Enfin, je sais qu'il y a des débiles sur Twitter qui ont été demandés si c'était une histoire vraie, mais vraiment, il y a vraiment un réalisme dans le film. Enfin, oui, il y en a qui ont été demandés ça. Ouais, bah, t'en as à l'époque de Gravity qui ont demandé à Quaron comment vous avez fait pour tourner dans l'espace. Voilà, oula. Donc ça existe, ce genre de personne, mais... Mais non, franchement, je pense pareil que Morgan. Je trouve que le film, tu souris pendant tout le long. Il n'y a pas un moment où t'es triste. Ça dure 2h30, mais tu décroches jamais vraiment. Enfin, tu décroches jamais. Ça dure 2h30 en plus. Ouais, 2h20. Mais c'est vraiment. Mais c'est 2h30. Enfin, oui, 2h20 de Matt Damon pour Eddie, c'est pas possible. Mais non, mais franchement, moi, je suis pas fan de Matt Damon, mais franchement, je trouve que dans le film, il est drôle, il a vraiment beaucoup. Enfin, après, c'est le personnage qui est bien écrit, je pense. C'est plutôt bien appliqué dans. Ah, mais moi, c'est pas le personnage qui m'emmerde, hein. C'est l'acteur. Moi, c'est pas les personnages de Matt Damon qui m'ennuient. Hein. Mais c'est bien appliqué, franchement, je te jure. Hein. Oui, mais moi, c'est Matt Damon qui me. Non, mais ça peut te réconcilier. En plus, là aussi, c'est un autre détail que j'ai oublié de souligner. C'est aussi un film qui est très axé sur la culture geek. Il y a beaucoup de clins d'œil au Seigneur des Anneaux. Il y a une scène, et justement, c'est à ce moment-là où tu te rends compte que le film, c'est pas du tout un film, c'est pas sérieux. C'est un film qui s'adresse pas... au film total, quoi. Et je trouve ça génial. Donc il y a un vous ne passe, il y a un vous ne passerez pas de lancer sur Mars, c'est ça? Non, mais j'aurais aimé, je pense qu'il aurait été là, je me serais levé, j'aurais applaudi, quoi. Mais non, il y a vraiment beaucoup de clins d'œil. Quand tu vois le film, t'as pas l'impression de voir du Ridley Scott du tout, quoi. C'est bien pour quelqu'un qui fait son grand retour. Ben oui, mais il le fait bien. Il se réinvente. Et c'est possible. Mais non, mais c'est possible que Prometheus soit dans la même veine et se prenne plus au sérieux. Ça peut être vachement cool. Enfin... Je trouve qu'il y a un peu de Ridley Scott avec justement la scène de la tempête de sable au début. C'est clairement du Alien, hein, et un peu de Prometheus. Hein. Prometheus, ouais. La façon dont les personnages, même dans la mise en scène, peut-être. Mais après, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de. C'est vrai que c'est pas. Je me rends compte que c'est un réalisateur qui me passionne pas du tout. Moi. J'ai pas vu Gladiator, je sais pas ce que ça vaut, mais il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Moi j'aime beaucoup Gladiator. C'est très bon. Ouais. Après, moi, j'aime beaucoup les péplums. Il y a plein d'anachronismes dans Gladiator. Mais, oui, bon, c'est... Anachronisme, je connais pas cette actrice. Non, moi non plus. Bon. Mais bon. Ouais, mais c'est un très bon film. Mais j'ai Blade Runner là qu'il faut que je vois. Je l'ai, ouais, donc moi, je vais le regarder. J'ai la flemme de le voir, Blade Runner, parce que j'ai peur de pas aimer de me faire traiter de naze. Bon. Quentin, est-ce que t'es prêt pour parler de régression ou... Oui, c'est vrai. Du... je t'en prie, tu peux y aller. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler de Régression, donc un film que j'attendais beaucoup, notamment pour la présence d'Emma Watson, voilà, mon actrice fétiche. Fétiche, carrément ? Ah oui, Emma Watson, c'est quand même... Je pensais que t'étais plutôt Emma Stone ou... Ah, pour le coup, je suis surpris. Tu sais qu'Emma Watson, c'est quand même... Franchement, être surpris de ça, c'est ça. Bah non, je pensais qu'Emma Watson avait un côté un peu. J'en parle, c'était un peu sa muse, effectivement, son vraiment. Pour Harry Potter, oui, certes, oui. C'est vraiment une actrice. C'est une actrice que dans tous ses films, je la vois dans Le Monde de Charlie, je la trouve magnifique, quoi. Enfin, là, je l'ai. Bien tolérant, c'est le film. Ah non, mais. Il y a le film, Le Monde de Charlie, je la trouve géniale dans The Bling Ring, je la trouve géniale dans Noé. Dans Noé, elle est. Dans Noé, elle est très bien. Ouais. C'est vrai. Dans Noé, elle est super. Et même là, dans Régression, sa première scène, enfin, elle a l'air très bien. Elle a l'air très... Non, mais franchement, elle fait ça. Non, j'ai failli faire un gros spoil là, mais. Ouais, bah non. Je vais sûrement le voir ce week-end, donc attention. Mais le film, j'ai adoré, franchement. Il est détesté par une, parce que je pense que les gens s'attendaient vraiment à un truc qui allait foutre une grosse baffe comme les autres foutaient, mais là, c'est autre chose, je trouve. Enfin, j'ai essayé de faire une critique d'ailleurs dessus parce que, mais le film, c'est tellement un gros foutage de gueule des sectes. Enfin, j'ai trouvé ça génial, quoi. Enfin, je comprends pas comment les gens ont pu ne pas adhérer, le bouser. Voilà, c'est ça, parce que je trouve qu'il y a un sens du détail. Enfin, c'est en fait le twist est complètement con, mais c'est trop bien, quoi. Enfin, j'ai hâte de le voir, rien que pour ça, moi. Le twist est moins con, mais c'est trop bien. Il est prévisible ou pas, le twist ? Il est très prévisible. Oui, il est très prévisible, mais c'est bien. Je trouve ça génial. De toute façon, Régression, je pense qu'il souffre un peu d'un truc. C'est comme tous les films on parlera d'un certain film, d'un certain réalisateur qui a eu un certain succès à l'époque, tout à l'heure. Quand t'es un réalisateur qui a fait tellement succès avec un film, en l'occurrence les autres, ça a quand même été, en termes de twist, en termes de... Du coup, on peut pas s'empêcher de comparer, c'est toujours moins bien. Les autres, c'est vrai que c'est excellent. Les autres, c'est exceptionnel. Je l'ai revu il y a quelques mois. Oh, même Nicole Kidman, elle est mais bouleversante dans ce film-là. Et du coup, je pense que les gens, ils disent... Elle est bouleversante, c'est à fou les jetons aussi. Hein. Mais oui. Enfin, je reste traumatisé. Tu sais, la scène sous le drap avec sa fille, là. Ouais. Tu n'es pas ma fille. Oh mon Dieu. Mais voilà, du coup, je pense que les gens ont en tête les autres. C'est comme ceux qui vont voir des films de Shyamalan, ils disent « Ouais, Shyamalan, c'est Sixième Sens. Oui. » Bah, mais il a fait d'autres trucs après, il a fait des trucs moins bien. Mm. Et je crois que, je sais pas c'était quoi le dernier film d'Amenabar. Agora. C'est Agora, oui. Agora, il est excellent. Oui. Enfin, Agora, bon, autant Eddie, il l'adore, mais j'ai pas entendu des avis élogieux sur ce truc-là. Hein. Non, parce que c'est très controversé comme sujet, Agora. Ah ouais. Agora, donc, c'est un film qui fait le... qui fait l'éloge du créationnisme et de l'anti-religion. Donc, mais là c'est exactement pareil. C'est normal que ça passe pas. Là c'est exactement pareil. Voilà. Enfin, Amenabar se fout carrément de la gueule de la religion à travers le personnage d'Emma Watson. Mm. Et c'est absolument, absolument génial. Franchement, c'est le film. En fait, c'est sans être drôle. Mais si on veut parler du rapport religieux dans les films d'Amenabar, c'est quelqu'un qui doit avoir un gros problème avec avec l'Église, avec tout ce que tu veux, parce que rien que dans les autres déjà, le rapport aux fantômes et à plein de, il y a plein de trucs comme ça. On parle de malédiction, on parle de plein de choses, et c'est pas étonnant qu'il en parle dans ce film-là aussi, finalement. Et donc, après aussi, je voulais mentionner le personnage de... Enfin, Ethan Hawke, tout court. Franchement, il est... En fait, j'ai l'impression de l'avoir un peu redécouvert avec Boyhood l'année dernière. Et là, il est aussi charismatique, aussi... il est à la classe, quoi. Franchement, il est vraiment... Il était bien dans Boyhood. Mais là dans Régression, C'est un acteur que j'aime de plus en plus. C'est un acteur que j'aime. Déjà, je l'aimais bien. Après, je l'ai pas vu dans beaucoup de choses. Voilà. Il est joué dans Sinister. Ouais. Ah oui. Non, bon. Quelle horreur. Ouais. On va American Nightmare aussi, le premier. Ah bon ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, le tout premier, oui. Ah oui, ah oui, avec Cersei. Avec, oui, avec... Non, les naïfs. On va pas commencer à parler de Game of Thrones. Parce que... Avec Cersei Lannister. Voilà. Blacklisté Game of Thrones. Donc voilà, donc moi, régression, j'ai adoré. Morgane, ouais. Si tu vas le voir. Ouais, je vais le voir. Je pense que tu vas bien aimer, franchement. Je vais le voir dimanche. Ça va être le voir dimanche. Parce que de toute façon, c'est le mois où on est vraiment d'accord, donc... C'est ça. Bon, on va pas l'être. Il y a un prochain film que tu vas voir, on sera pas d'accord. Mais bon. Voilà. Donc, on en parlera le mois prochain. Donc régression, un excellent film. On va me gâcher la bouche, on parlera pas de ça. Donc, Morgan, si t'as envie peut-être de parler de Pan, puisque t'as aussi beaucoup. Ça dépend. Oh là là. Mais en fait, Morgan, il adore le film rien que parce qu'il peut faire des jeux de mots avec le titre. Oui, voilà. Mais c'est, de toute façon, c'est ça. Hein, c'est... On le sait tous. C'est toujours mais comme non, ça. Non. Ça va loin. Alors, je parle de Pan. Vas-y, je t'en prie. C'est parti. Pan. Alors, ceux qui ont écouté le podcast l'année dernière, en fin d'année, souvenez-vous, où j'avais dit... Le podcast qu'on a fait au mois de janvier. Au mois de janvier, ouais, c'était sur les bilans de l'année dernière. Oh, tu chipotes, Eddie, tu chipotes. Savent que j'attendais énormément Pan, et j'avais prédit, avec un jeu de mots un peu douteux, que ça allait être une tuerie. D'ailleurs, il faut préciser que le film, bon, ça tout le monde ne le sait pas, mais le film à la base était prévu pour juillet. Ouais. Et deux mois avant la sortie, il a été repoussé à octobre. Et là, honnêtement, je me suis dit, ok, j'attends le film, mais ça sent pas bon du tout. Et en fait, le film, quand je l'ai vu là récemment, il m'a satisfait, il a été au-delà de mes attentes. Alors que, soyons honnêtes, le film se fait descendre, le film c'est un four monumental, c'est un échec total au box-office, à tel point que je pense pas que le 2 va se faire, ce qui est dommage d'ailleurs. Ouais. Parce que clairement, on est, à mes yeux, devant un des plus beaux spectacles de 2015. Alors moi, t'y vas, hein. Ah ouais, non, mais meilleur que oui, Mad mais Max. Mais là, il a raison, je le revends. Meilleur que Mad Max, les gens, je vous promets. Là, je rejoins moi. Bien sûr, c'est ça. Mais attends, entre Hugh Jackman et Tom Hardy. Mais c'est mieux que Tom Holland, par contre. Ah oui, largement. Alors, j'adore Tom Holland, mais... Ok, d'accord. Ouais, non, franchement, peut-être moins bon que Mad Max, mais mieux que Tom Holland. Bah, disons que... Non, mais Pirou Desmara est meilleur que Charlize Theron. On va pas faire des clashs d'actrices parce que sinon. Non, mais franchement. Non, mais là par contre, tu déconnes. Je troll un peu. Non, mais je le pense. Ouais. Après, avec ma subjectivité la plus totale, Pan sera dans mon top 5 et Mad Max sera pas dans mon top 10. Voilà. Mais j'aime beaucoup Mad Max. Le personnage de Lila Tigresse est quand même moins bien écrit. Et oui, bien sûr. Mais bon. Non, revenons à nos moutons. Oui. En matière de spectacle, c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai vues en 2015. C'est un film qui a éveillé chez moi des émotions d'enfant que je n'avais pas ressenties depuis Tomorrowland justement, mais peut-être même un degré au-dessus justement. Je trouve que cette année, on a quand même beaucoup de films qui, ça fait plaisir, ça parle de l'enfance, et ils le font très très bien. Et c'est bizarre, c'est que les films qui parlent d'enfance se viandent au box-office. Donc, je pense qu'il y a un débat à faire là-dessus. Je pense que les Américains n'aiment pas vivre dans la nostalgie. Juste que l'enfance, je pense que c'est plus l'imaginaire aussi. L'imaginaire. Je trouve que Pan, en matière d'imaginaire. C'est quand même. Ça se passe où par rapport à la mythologie Peter Pan? Parce que. En fait. À l'arrivée de. Ouais. C'est le début de Pan, c'est Pan Genesis quoi. C'est... D'accord. En gros, c'est ouais. Pan quand il est petit avant de devenir Peter Pan. C'est pour ça que le film s'appelle okay. Pan. Ok, d'accord. C'est avant d'être Peter Pan et dans l'histoire, en fait, il est ami. je vais quand même resituer l'histoire. Pan est abandonné dans un orphelinat par sa maman qui est jouée par Amanda Seyfried. Mm-hmm. Une nuit, il va se faire embarquer par des pirates de l'air. Alors c'est aussi, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il va y avoir une scène de bataille entre des nazis et puis des pirates. Incroyable. Mais je vous jure, c'est formidable. Ils vont être emmenés au pays imaginaire où le pays imaginaire en gros est scindé en deux parties. Il y a la partie des pirates qui est gouvernée par Barbe Rouge, jouée par Hugh Jackman, et de l'autre côté on a les Indiens dont la chef est Lydia Tigresse qui est jouée par Rooney Mara. Je t'aime. Donc voilà, c'est. Rooney Mara qui a totalement le profil d'une indienne. Oui, mais c'est pas grave. Mais son sourire est génial alors. Voilà, mais Rooney Mara, c'est Rooney Mara, tu vois. C'est celle qui jouait dans, c'est celle qui jouait mal dans Millennium, c'est ça? Quoi? Qui jouait mal dans Millennium? Peux-tu me répéter ça? Jouait mieux que Nomura? Non. Mais il rigole. Non, non, je tu rigole pas. What? Son. Oh. Si on peut repartir sur Pan. Oui, là, je repartirai sur Pan. Où est-ce que j'en étais pour le coup? Attendez, je suis. Qui joue mal dans Millennium selon Eddie? Non, c'était juste avant. Et donc le film, ce qui m'a plu, c'est que dans la mythologie Peter Pan, donc c'est vraiment l'avant Peter Pan tel qu'on le connaît. Alors pas à travers le bouquin, on va plutôt parler du Disney, parce que le Disney raconte vraiment Peter Pan dans son schéma le plus classique. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir quand on est fan de l'univers comme moi, parce que Peter Pan est personnellement un de mes personnages de fiction préférés. Je trouve qu'il... Ah oui, non, mais je trouve qu'il fait... Il me représente. T'as le droit, hein, mais c'est juste que... enfin, je sais qu'Eddie me rejoint là-dessus, c'est que moi, je supporte pas. Je trouve que c'est vraiment un vrai débat de société, Peter Pan, parce que justement, ce que ça dit sur le refus de grandir, sur la peur de vieillir aussi, enfin, il y a un peu de ça, sur les rap... Enfin, je trouve que c'est vraiment passionnant. Après, je me base pas sur le livre que j'ai pas lu, malheureusement. Je me base vraiment sur le Disney et aussi sur le film de Spielberg, Hook. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est de voir que Peter Pan, il aura fallu 30 ans pour que la boucle soit bouclée. Parce que, en fait, dans le film Pan, là, en question, on voit Capitaine Crochet. Enfin, on voit pas Capitaine Crochet, on voit James Hook, qui est joué par Gareth Edlund, qui est génial dans ce film. Ouais. Il est drôle. Et en fait, ils sont amis dedans. Donc du coup il joue beaucoup là-dessus, il joue beaucoup sur hey, on est amis pour la vie, mais oui bien sûr, alors qu'en fait non, on sait comment ça va se terminer. Donc on est vraiment dans une, presque dans une relecture, et le film aurait nécessité un deuxième volet qui n'arrivera pas à cause de l'échec, mais en attendant vous pouvez largement vous contenter d'aller voir ça, parce qu'en matière de spectacle vous allez vraiment en avoir pour votre argent. En matière de 3D aussi, je pense que c'est peut-être avec Avatar la plus belle 3D que j'ai vue au cinéma. Wow. Et Gravity. Gravity, Pan et Avatar. Non mais je vraiment. Alors effectivement il y a quelques CGI qui piquent un peu les yeux, c'est vrai, on sent que le film on sent qu'ils ont galéré à faire certaines scènes, il y a des scènes de vol ou voilà. Mais je trouve que c'est un univers qui est extrêmement riche, extrêmement bien amené à la manière et là ça va vous faire peur. J'ai vraiment vu ce film comme c'est une comédie musicale sans musique. C'est-à-dire que tous les personnages apparaissent de façon théâtrale. C'est un film qui joue. Et d'ailleurs, Joe Wright avait fait le film avec Keira Knightley, Anna Karenine, là. Et donc, le côté théâtre, il s'y connaît. Et je trouve que Pan est nourri d'un côté théâtral. Mais Anna Karenine, qui n'était pas très bon, apparemment. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai beaucoup aimé Anna Karenine. Mais je sais que Joe Wright est très passionné par le théâtre. Et Pan, le montre parfaitement. Tous les personnages apparaissent vraiment de façon, vous savez, ils apparaissent vraiment en forçant le trait, etc. C'est vraiment un show de Broadway sans les musiques. Donc, bon, ça chante un petit peu, ça chante du Nirvana à un moment donné, mais il y a... Oui, parce que le personnage de Barbe Rouge qui est joué par... Exactement. Et je trouve... Ça apporte. Je trouve déjà les personnages très bien développés. Hugh Jackman, il est très cabotin, mais ça colle à l'intention de base du réalisateur de faire vraiment un film théâtral, non pas dans la forme, mais vraiment dans les personnages. Et d'ailleurs, Levi Miller qui joue Pan, je le trouve très bien. Il est très expressif, il est vraiment très drôle. Enfin, j'ai adoré le suivre. J'espère le revoir dans. Enfin, j'espère qu'il va grandir, c'est sûr, hein, mais j'espère vraiment le voir dans d'autres rôles plus tard, parce que je pense que c'est un acteur qui est assez prometteur. Mais l'univers, j'insiste bien là-dessus, mais j'ai pris un pied, c'est j'ai été émerveillé pendant 1h50, et pendant tout le film, alors que je m'attendais vraiment à être déçu, alors que j'attendais le film, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un film aussi parfait, mais pour moi je trouve parfait dans son visuel, même si j'ai titillé sur les CGI, mais je m'en fous, parce que en matière d'émotion, en matière de péripéties, c'est vraiment mais bien rythmé. Il n'y a pas un moment où le film s'est faibli en matière de rythme. Je trouve que tout marche dans son développement, dans la psychologie des personnages. Il y a vraiment quelque chose de très fort, même dans le personnage du méchant qui en gros, je pas spoiler, mais il y a un rapport avec certaines méchantes dans un film, avec une fille qui a des cheveux très longs, blonds. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Non. Ouais, bon, c'est bon, on l'a compris. Hein. Voilà. Et je trouve justement que c'est extrêmement profond. Maintenant, je comprends que les gens rejettent ce film en bloc. Je comprends vraiment, parce qu'on est vraiment un peu dans un... Il y a un côté un peu spectacle, un peu foutraque, mais c'est vraiment un show à Broadway, ce truc-là. Et moi, qui suis fan des comédies musicales, honnêtement, j'ai vraiment adoré ça. C'est une féerie visuelle, ce truc. Et voilà, j'avais pas les mots. Je suis sorti en disant... J'ai vécu mais une des plus belles expériences de 2015 quoi et je suis sorti de là en me disant mais faut que je défende ce film parce que c'est enfin voilà pour moi c'est très bien fait en tout cas ouais, c'est difficile de défendre un film j'étais un peu seul hein. J'étais un peu seul ouais mais je te rejoins Quentin t'inquiète pas Quentin si tu veux développer sur franchement j'ai pas grand chose à dire parce qu'il a rien à soucier comme d'hab je sais non mais franchement je voilà, après, c'est quelque chose qui était assez... Après, on n'est pas censé le savoir en voyant le film. Mais je sais que Joe Wright a fait le film en hommage à son frère, je crois, qui est décédé. Donc voilà, quand ils étaient plus petits, c'était une histoire qu'ils aimaient. Voilà, ils aimaient beaucoup Peter Pan, tous les deux. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y a une thématique sur le rapport entre frères. D'abord, entre Peter et son meilleur ami qu'il a laissé à l'orphelinat. Et Peter et le capitaine Crochet. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... J'ai trouvé ça beau, en fait. Enfin, c'était vraiment un message. Et il y a aussi quand j'y pense, en fait, Peter Pan, avec les bombardements, je me demande si le pays imaginaire, c'est pas censé représenter le paradis, tout ça. Enfin, les enfants qui sont... Ouais, non, franchement, il y a beaucoup de choses à... Oui, c'est pas... À analyser dans penser vraiment... D'accord. Vraiment, le film est très très fort et puis Gareth Edlund est vraiment génial. Je le trouve super charismatique oui, et puis, comme d'habitude. Tous les personnages je te coupe, je rebondis parce que c'est vrai que tu as raison sur le côté un peu le rapport fraternel entre Pan et James Hook qui peut faire sourire parce qu'effectivement, quand on connaît l'histoire de base, on sait qu'ils vont se. Mais ils jouent là-dessus de toute façon. Mm-hmm. C'est vraiment des ressorts, des clins d'œil un petit peu. C'est un peu répétitif, mais ça marche quand tu as James Hook qui dit écoute, je t'aime bien quand même, etc. On sait que non, on sait comment il va devenir. Enfin voilà, et le film est nourri de clins d'œil à l'univers de base. Le coup du crocodile, tout ça. Enfin, ouais, le crochet, on le voit le crochet en train d'exercer au début. Mais avec Mouche aussi, je te redevrais ça quoi. Enfin, on sait ce que ça sous-entend. Je pense qu'il faut aimer l'univers de base, effectivement. Voilà, c'est foutu pour nous deux quoi. Comme dans la forme, vous n'allez pas aimer. Je pense que vous allez rire, vous allez dire mais c'est quoi ce truc ? Mais mon Dieu, enfin c'est du Nirvana. Alors c'est pas. Quand tu l'as annoncé comme ça paraît vraiment. Il y a un côté choral. Non mais c'est une chorale, c'est pas. On n'entend pas la vraie musique, c'est juste les pirates. Ouais. Qui sont en train de chanter, mais c'est vraiment fun quoi. Il y a un côté et je trouve comme dans Hook de Spielberg qui pour moi est un Spielberg. Assez formidable. Mm-hmm. Les personnages, ce que j'avais adoré dans le Hook de Spielberg, c'est que le capitaine Crochet rejetait sa part d'enfance. Il avait limite une phobie de l'enfance. Alors que là, je trouve qu'il y a quand même une relecture. Enfin, c'est intéressant de les voir dans la continuité, de voir que dans celui-là, tout est un rapport à l'enfance. Tous les personnages sont des grands enfants. Hugh Jackman, qui est le gros méchant de l'histoire, c'est un grand gamin. Justement, c'est un grand gamin, c'est un enfant quoi. Et dans le film de Spielberg, au contraire, la part enfance, elle est juste. Enfin voilà, c'est intéressant de voir les trois dans la continuité. Et j'aurais adoré voir un Pan 2. Sauf que là, Pan, il est pendu. À côté de ça, tu vas avoir à la 2. On parle pas de ça ici. On avait dit de pas parler de film dans le podcast. Non, mais c'est désolant oui. Quand même de se dire qu'on va pas attention. Avoir. Bah, enfin, là, ils y sont pour rien. Aladdin 2, c'est pas eux, hein. C'est nous. Hein. C'est plutôt. Moi, j'y suis pas allé. qui c'est qui est allé dans cette émission là. Je me demande bien qui non, c'est mais qui attendez, est allé. C'est pas... Non, mais c'est pas de ma faute s'ils vont pas faire Pan 2. C'est pas de ma faute s'ils. Attendez. Si, c'est de ta faute. Non, bon, parlons de Pan. Je te plains plus. Non, mais attendez, on s'égare, c'est pas possible. Allez voir quoi. Non mais arrêtez. Non, bon, monsieur est sérieux. Non mais attendez. On fait un podcast. Non mais arrêtez. Non mais ça. Non non. Je sens le jugement. C'est pas bien. Non c'est pas bien. Parlons de Pan. Quentin, tais-toi. Parlons de Pan. Non bon. Pan c'est super. C'est vraiment une. C'est un spectacle. C'est un bijou. C'est un bijou. Ah, par contre, à voir au cinéma. Je sais pas si en Blu-ray ça va être. Je vais avoir le même impact visuel. Parce que c'est vraiment un film qui se voit au cinéma avec la 3D dans des conditions optimales. Donc voilà, rien que pour ça, j'ai envie de le revoir aussi. Alors ça, plus ça va, et enfin personnellement, hein, moi plus ça va et plus je me rends compte que ça, c'est faux. parce que il y a des films qui m'ennuient au cinéma et que j'apprécie beaucoup plus chez moi sur mon Blu-ray. C'est vrai. Non, mais parce que moi je suis désolé, mais c'est vrai que le plaisir d'aller dans une salle de cinéma, je le ressens de moins en moins. Je trouve qu'on n'est pas à l'aise, qu'on est. Enfin moi je suis pas. J'ai pas la chance d'aller dans des salles de cinéma où qu'on est bien. Et c'est vrai que des fois, te dire d'être enfermé 2h30 dans une salle où tu sais que tu vas pas être à l'aise assis, à mal assis et tout. Tu vois, c'est des petits détails comme ça. Et c'est vrai que des fois, je me dis, je sais pas si ça vaut le coup en fait. Visuellement, moi, il y a des films, il y a des films sur grand écran, ça me fatigue et ça passe beaucoup mieux chez moi. Ah ouais. Ouais. Bah, après, par exemple, Gravity, par exemple, c'est Gravity, pas. Gravity, par contre, non, ça a fait l'effet inverse. Ah voilà, voilà. Ouais. Alors honnêtement, avec l'univers que ça propose, même au niveau des couleurs, au niveau de la photo, c'est vraiment mais d'une beauté pour moi à tomber. C'est vraiment un des films les plus beaux que j'ai vu cette année. Et plastiquement, ça m'a marqué. Ce film personnellement m'a marqué. Même le soir même, j'étais en train de j'avais envie d'y retourner quoi. Mais par exemple, je pense à Vice Versa. J'ai été beaucoup plus réceptif chez moi qu'au cinéma. Mmh. Ouais. Curieusement. Ah ouais. Bon ben. Ouais. Donc tu vois, c'est vrai qu'on se dit. Il y a des films qui peuvent se vivre qu'au cinéma, alors je suis d'accord, des films comme Gravity et tout, qui sont faits pour être... Avatar, oui. Qui sont faits pour être vus sur grand écran, même The Tree of Life, finalement. Mais après, ça lance un débat. Est-ce qu'un bon film... Enfin, un bon film, logiquement, se consomme partout. Un film qui est bon uniquement au cinéma, est-ce que c'est un bon film ? Eh ben, voilà. Podcast, alors. ce sera pour un autre podcast. ce sera un sujet intéressant à développer, je pense. En attendant, courez voir Aladdin. Non. Non. enfin, franchement, moi, Pan au cinéma, c'est non, mort. J'irai pas le voir au cinéma, non, c'est non, sûr. Moi, c'est pareil. Hein, Enfin, mais j'essaierai. Je te promets rien, mais j'essaierai de le voir avant la fin de l'année. Non, honnêtement, ne le vois pas parce que ça va me faire de la peine si tu le vois. Je sais que tu vas pas aimer, mais bah. Et franchement, non, mais non, mais j'aimerais. Je préfère que tu vois Seul sur Mars. Et je prends moins de risques. Oui, mais de toute façon, Seul sur Mars, je sais que je vais aller le voir. Donc. Non, mais après, Pan, tu peux évidemment tester. Maintenant, si tu n'aimes pas, je peux comprendre. Il y a vraiment le film se fait vraiment démolir. Ouais. Pour après, moi, le truc, c'est juste l'univers du dessin animé. Après, tout le reste, je suis pas super calé non plus. T'as pas vu Hook ? Hook, je l'ai vu une fois, tout petit. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais moi, je déteste le personnage Peter Pan. Il m'ennuie vraiment. Mais j'aime beaucoup le film Neverland. Ah oui, c'est pas pareil encore. C'est quel film ça, c'est... Ça avec Johnny Depp, c'est sur celui justement qui imagine Peter Pan. Et le film est vraiment très bien fait. Ah oui. Et il est très intéressant en fait. Parce que là, il est très beau, hein, c'est un super. Enfin, la scène de fin, on voit sur le banc. Le film fait ressortir tous les aspects du personnage qui sont les moins développés en fait dans les autres histoires. Dans les autres, que ce soit dans le Disney ou dans le film tout pourri qui était sorti en 2000. Là. Voilà. Dégueulasse plus. Bon, revenons à nos moutons. Oui. Pense et une tuerie, je le redis. D'accord. Quentin, t'as quelque... je t'ai déjà demandé si t'avais quelque chose à rajouter. Oui, oui. T'avais rajouté. Donc, on va peut-être passer à un truc complètement différent. Eddie, qui veut nous parler de The Visit. Dans un premier temps, et après je parlerai d'autres choses, mais ça sera plus rapide. Ouais. Même The Visit, ça va être assez rapide. Donc, The Visit, qui est le dernier film de M. Night Shyamalan. Mm-hmm. Donc, M. Night Shyamalan, tout le monde connaît. C'est Sixième Sens, c'est Signe, Le Village et compagnie, Incassable. After Earth, malheureusement. Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà, et Phénomène. Comme ça, on les aura tous cités, c'est très bien. La jeune fille de l'eau. La jeune fille de l'eau, que moi j'aime beaucoup, malgré ses défauts. Bref. M. Night Shyamalan, c'est un cinéaste, tout le monde est un petit peu en train de dire qu'il est officiellement décédé. Eh ben non, parce que franchement, The Visit, c'est pas un film parfait, c'est sûr. Il est mort, mais de temps en temps, il revient à la vie. Voilà, c'est ça. Et si, voilà, j'avais pas grand espoir, en fait, en The Visit, le support du fan footage, en fait, je trouve que c'est un petit peu se tourner vers la facilité. Ouais. Désolé pour ceux qui aiment le fan footage. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve que voilà, autant. Ça dépend pour quel film. Voilà, il y a du bon. Autant voilà. Il y a, mais il y a quelques films qui l'utilisent bien. The Visit, c'est clairement pas ce qui fait la réussite de The Visit, le fan footage. Mais il y a des bonnes choses quand même dans le film. Il y a vraiment une bonne mise en ambiance. Ce qu'on avait vraiment plus dans Phénomène, Avatar et. Oh merde, le dernier avec Will Smith là qui était nul à chier. After Earth. After Earth. After Earth. Mon Dieu. Parce que c'est ça en fait, c'est là on est vraiment face à du M. Night Shyamalan qui fait du M. Night Shyamalan, donc qui fait du film d'ambiance, où ça repose surtout sur le développement de l'intrigue vraiment petit à petit. Jusqu'au twist final, évidemment, il y a toujours un twist dans ces films. Bon, là, évidemment, le twist est très attendu, ça c'est pas hyper surprenant. Mais voilà, c'est un film qui est imparfait, mais qui est pas déplaisant comparé à ces derniers. Et c'est le moins pire, on va dire. Ouais, c'est le moins pire. C'est le moins pire, mais pour moi, c'est même pas un mauvais film. C'est un film qui est maladroit, qui fait pas toujours les bons choix. Oui. Mais c'est scénario quoi, putain. Ah oui, c'est hyper classique, mais c'est hyper classique parce que bah, évidemment si on compare à ce qu'il a fait de mieux, forcément c'est vraiment au ras des pâquerettes, mais par d'ailleurs, contre quand on compare à ce qu'il a fait de pire, The Visit, ça s'apprécie quoi. Ça s'apprécie et c'est surtout, voilà, on se rend compte que non, le bonhomme, il est toujours là derrière sa carapace de film à la con et que s'il veut revenir, il peut. Donc maintenant, il faut qu'il revienne, quoi. Yeah. il faut qu'il reprenne son souffle, bordel. Ouais. Parce que... Donc voilà, moi j'attends de voir ses autres projets en espérant que bah, ça soit mieux que celui-ci et puis que ça revienne un petit peu à ce qu'il faisait ses fondamentaux. Labor of Love, là, son prochain film qui était prévu pour 2015 et qui apparemment est repoussé, je pense que ça peut ça se rapproche le pitch se rapproche un peu de Sixième Sens, donc ça peut être intéressant quand même. Ouais. Parce que Sixième Sens, c'est pas celui que je préfère, mais il y avait un bon développement des personnages, je trouve. La psychologie, c'est quoi ton préféré bien, le village. C'est quoi ton préféré? Ouais, je crois que... Bon, c'est pas son meilleur, hein, Le Village, mais moi, c'est celui qui me... Je suis pas d'accord. Pour moi, je pense que c'est son plus profond et son plus abouti. Oui, c'est son... C'est plus abouti, celui qui Le Village, à tout niveau. Pourquoi Le Village? Parce que c'est celui qui me touche le plus, tout simplement. Ah, mais oui, mais après, Signe pour moi est très bon, Incassable aussi, et Sixième Sens. Sixième Sens est très bon la première fois, beaucoup moins la deuxième. Ah ouais, Sixième Sens, il y a un peu une escroquerie à force. Par contre, plus je le revois, plus. Incassable est vraiment excellent. De bout en bout, je le trouve excellent ce film. C'est un film de super-héros en fait, Incassable. Et c'est la manière dont c'est fait, c'est vraiment bien. Voilà. Ok. Morgane, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à The Visit? Bah, je l'ai vu, alors je suis un peu d'accord avec Eddie. Pour moi, c'est le moins pire, mais bon, je trouve qu'on est un peu indulgent avec le film, dans la mesure où Shyamalan a fait quand même que des merdes. Vraiment, donc du coup, il revient de loin. Donc effectivement, on se dit, bon, c'est moins pire, mais ça ne fera pas partie de ses meilleurs. Ah, c'est non. Pas Signe, c'est pas Le Village du tout. Le village, en plus, je l'ai revu il y a un mois, après quelques années de blanc où je m'en souvenais plus tellement, à part du fameux twist. Et Le Village, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de son cinéma. C'est, pour moi, voilà, c'est pas qu'un exercice de style, c'est vraiment un film d'une profondeur, mais absolument, mais même dingue. La scène, enfin, il y a des scènes comme ça qui te prennent vraiment, quoi. Le Village, il y a une, oui. Il y a une manière de traiter la terreur et de. Oui, c'est vraiment bien fait. Ce qui est génial dans Le Village, c'est qu'il nous met vraiment dans la peau du personnage de Jessica Chastain. Oui, non. Ah non, Bryce Dallas Howard. De Bryce Dallas Howard. Parce qu'elle n'a pas fait que Jurassic World, elle a fait d'autres choses. Elle a même joué chez Lars von Trier. Donc, il est très bien. Mais Axel, toi, t'aimes pas du tout hein, Shyamalan. Je n'aime pas du tout Shyamalan. En fait, le et truc, c'est vu, que. Et t'as vu quoi de lui? Donc, Sixième Sens, j'ai pas vu, mais je me suis fait spoiler. Donc, oui. Je vois pas l'intérêt. C'est con parce que. Enfin, c'est dommage. Incassable, c'est un des seuls que j'ai pas vu et qui me tente vraiment parce que depuis que j'en entends parler, ça me tente de plus en plus. Après, Le Village, si j'ai vu, ça m'a pas tellement marqué que ça. Signe, non, c'est pas possible pour moi. Ah bon ? Non, j'aime pas du tout. Et après, bah, toutes les autres. After Earth, Avatar, c'était une torture. Ah oui. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Après, j'ai essayé d'oublier. Ah mais quand ça passe pas. Mais voilà. Non mais Et pourtant, c'est bizarre que tu n'aimes pas Shyamalan parce qu'il il a quand même une manière de faire qui se rapproche beaucoup de Spielberg sur certains aspects. Donc c'est sûr, ouais, je trouve que le village a un côté Spielbergien. Même Sing d'ailleurs, dans la façon dont il amène le côté famille, c'est un grand film sur la famille, Sing, ouais. C'est pas du tout un film sur les extraterrestres, on n'est pas du tout là-dedans, c'est un prétexte et c'est un grand film d'émotion pure. C'est pour ça que je préfère Sing, parce que Sing, il n'est pas du tout. Alors par rapport à The Visit, je vais quand même dire mon avis sur The Visit, c'est un film que j'ai beaucoup aimé d'un point de vue technique, parce que je trouve qu'il utilise, et c'est rare aujourd'hui, très bien le fun footage. Il est justifié à chaque fois. C'est-à-dire qu'au début, quand on m'a vendu le projet, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Ça ah oui, sert à rien, en fait. Pour The Visit. Ouais, je trouve que le fun footage, non, mais ce que je veux dire, c'est, alors, faut que je me corrige là-dessus. Le fun footage dans le film fonctionne. Il a une logique, en fait. Le fun footage dans le film, il a une logique interne. Oui. Alors pour ceux qui savent pas, parce que tout le monde sait pas ce que c'est le found footage, c'est les films en caméra à l'épaule, ouais. Voilà, c'est les films comme si vous aviez filmé vos vacances, vous aviez fait un film que sur ça. Donc. Et ben du coup, je trouve que c'est très justifié dans le film, malheureusement. Et dans le film, ça fonctionne, mais moi en fait, ce qui me gêne, c'est que y en a beaucoup en fait qui se mettent à faire ça, et ce qui fait que le found footage maintenant perd un peu de sa valeur. Voilà, ouais. Exactement. Mais ça m'a fait plaisir de voir que le gars, il s'en servait parce que, parlons-en, le personnage qui filme tous les événements, c'est une jeune fille qui rêve d'être cinéaste, qui un peu joue avec les codes du spectateur. Ouais. Et j'ai l'impression qu'à travers ce personnage, Shyamalan dresse un portrait de lui et il tourne à la dérision son propre cinéma. C'est-à-dire c'est la vrai. Façon dont il amène le fameux. Alors, c'est là où le film m'a beaucoup dérangé, c'est dans l'intrigue. Alors, Shyamalan est quand même pour moi le roi du twist. Enfin, il a été, on va dire. Ce sixième sens, honnêtement, maintenant, c'est un peu. C'est comme Dark Vador, je suis ton père. On connaît tous la fin de sixième sens, même si on n'a pas vu le film, malheureusement. Mais à l'époque, je m'imagine dans la tête de ceux qui ont vu le film, il devait être dingue quand même. Sing, il y a aucun twist. Le village, il y en a deux. Donc, oui. Et le village, franchement, ouais. Il y en a pas, les deux twists, c'est impossible de les deviner. Mais vraiment, il y a rien. C'est ça qui est intéressant dans un film à twist, c'est de masquer le fait qu'il y ait un twist. Le village, pas un moment, on t'annonce un twist. Et c'est pour ça que Sixième Sens est quand même réussi formellement, parce qu'il annonce pas, même s'il y a des trucs, quand tu revois le film, tu te dis oui, bah, effectivement, c'est évident. Mais je trouve que The Visit, le twist, je l'ai cramé au bout de 10 minutes. C'est ça le problème. La scène de la gare est dit, je ne vais pas dévoiler, mais la scène de la gare, j'ai fait, mais j'ai compris, j'ai compris. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bah, ça m'a gâché le suspense, et moi j'ai quand même besoin d'avoir un peu. J'ai quand même. Mais je pense qu'on en a tous bien. Besoin, hein. c'est logique. Hein. J'aime bien quand un film. Alors là, pour le coup, je vais complètement être contradictoire par rapport à Crimson Peak. Autant que Crimson Peak, j'ai tout aussi tout deviné à l'avance, mais ça ne m'a pas dérangé, parce que derrière, c'était foisonnant, parce qu'en matière de d'univers, c'était vachement beau. Que là, bah, comme tu dis, dans Crimson Peak, c'est que c'est fait exprès aussi dans un sens. Voilà, c'est fait exprès que là on sent bien qu'il a envie. Alors en même temps, bon, c'est pas le twist en soi, je l'ai deviné, il est pas mauvais, mais après dans The Visit, tout repose pas sur c'est compliqué de c'est compliqué de dire sans dévoiler. Enfin, ce qui est bien et pas bien dans ce tweet, c'est qu'on se rend compte. On comprend. Dans ce tweet, c'est un nouveau concept de film, ça, tu vois, un film en tweet. Tweet Pix, ouais. Ce qui est dommage dans le twist de The Visit, c'est que il y a des choses qu'on va comprendre tout de suite, et en même temps, le twist, il est plus malin qu'on croit, parce qu'il repose pas entièrement sur ce qu'on comprend tout de suite. Il y a d'autres éléments en fait qui entrent en compte, et au départ, c'est un petit peu ambigu. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux ou si ça sort complètement de l'ordinaire. Enfin, c'est assez particulier. Donc, on ne sait pas quel genre il aborde. On ne sait pas s'il est dans le fantastique, dans l'horreur. Ouais. Ça, effectivement, il y a ce trouble à ce niveau-là. C'est vrai. Effectivement, ouais. Je suis d'accord. C'est pour ça que le film m'a tenu quand même, même si le suspense m'était gâché. Après, c'est pas un mauvais film en soi. Honnêtement, je trouve que dans la réalisation, c'est quand même très bien. Il y a des choses très intéressantes. Après, sur l'intrigue, j'ai pas été surpris, donc je trouve ça un peu dommage. Bon, après, parce que Shyamalan est capable de plus. Moi, après, personnellement, j'en reviens au même problème que j'ai eu sur Crimson Peak et que j'ai sur Insidious et compagnie. C'est que c'est des films qui sont désignés comme épouvante horreur, donc qui utilisent des codes. Ouais. Cinématographiques qui sont là pour t'effrayer, pour créer l'angoisse et la terreur. L'angoisse fonctionne plutôt bien. L'angoisse, ça peut se ressentir. Ouais. Et pas forcément que dans ce film-là, mais moi, c'est vrai que le côté effrayant, j'y arrive pas. J'arrive plus à avoir peur devant un film. Et c'est assez problématique parce que... T'as pas eu peur devant Conjuring ? Devant Conjuring, c'est tout. Mais c'est vraiment le dernier où j'ai eu peur. Alors que moi, pas du tout. Ouais. Et Conjuring, je me suis laissé bercer par le truc, en fait. Ouais. Et quand je le revois, j'ai pas peur. Mais, ouais, quand tu l'as découvert. C'est... Mais la mise en scène et tout dans Conjuring, elle joue vachement. Et, c'est... Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça très malin. En fait, c'est que c'est très insidieux, Conjuring aussi. oui, désolé. Mais ça, c'est un peu le problème que j'ai avec The Visit aussi, quoi. C'est que du coup, bah, tous les effets de terreur, bah, moi, je passe à côté. Enfin, ça me. Ouais. Ça a marché sur moi quand même. T'as des codes tellement vus et revus que du coup, bah, tu. Voilà, c'est ouais. dommage. Ouais, hein. Mais c'est le genre de l'horreur, c'est un genre qui a tellement été foutu dans plein de sens. Et puis, c'est. Pour reprendre Bill Bond dans Seigneur des Anneaux, un peu comme une tartine de beurre, un peu comme une tartine sur laquelle on aurait étalé trop de beurre, ouais, je ne sais plus exactement ce qu'il dit. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est un genre qu'on a étiré à fond et qui, du coup, aujourd'hui. A du mal à se renouveler, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que j'attendais de Guillermo del Toro, il l'a fait qu'à moitié. Bref. Mais donc. Ouais. Voilà. Ah, par contre, juste comme ça, les deux, alors le grand-père et la grand-mère sont un petit peu, ils gabotinent un peu, je trouve, les acteurs. Par contre, les deux enfants sont très bien. Les deux enfants sont vraiment bien, et surtout, la jeune fille, elle joue vraiment, ça c'est très bien. Mais les Américains, ils ont cette chance qu'on n'a pas en Europe, c'est qu'ils ont des enfants acteurs, en général, qui sont très bons. Parce que nous, putain, mon Dieu. Et nous, c'est vrai que chez nous, on n'est vraiment pas gâtés de ce côté-là, mais les Américains, hormis. Nicolas, putain, mon Dieu. Hormis Dakota Fanning, quand elle était petite, elle n'était pas terrible, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont quand même globalement des enfants acteurs qui sont très bien. Enfin, on a vu cette année avec Tomorrowland, Rafi Cassidy, là, qui est quand même. D'accord. Ou les Lévi Miller avec Pan, parlons-en. Non, on en a déjà assez parlé, je crois. Ah, si vous voulez. Hein. Censuré, c'est cool. Du coup, tu voulais encore nous parler d'un autre film, Eddie ? Alors oui, donc celui-là, bon, alors c'est très très frais, parce que je l'ai vu tantôt, cet après-midi. Parce que ça, c'est une expression que j'entends pas chez moi, oui, tu vois. C'est une expression de chez moi, donc cet après-midi. Donc c'est Vampire en toute intimité. Mm-hmm. Donc, What We Do in the Shadows dans le titre original. Un film porno, c'est un vieux le titre. Comment ? En VF ou en VO, on dirait un porno. What ? C'est vrai. C'est vrai que c'est. Oui, mais ça n'a rien d'un porno, justement. Donc, Vampire en toute intimité, ça reprend un peu le concept qui avait été fait sur les vampires aussi, justement. Il y avait un faux documentaire qui avait été fait, et c'était un film belge que je n'avais pas aimé du tout, qui s'appelait Vampire. Le trouver, l'affiche du film, c'est un cercueil rose, je crois, un truc comme ça. Et c'était pas terrible du tout. Et ici, en fait, ils reprennent un peu le même concept, mais c'est vachement bien. Et franchement, je vous le conseille vraiment. J'ai pas encore eu le temps d'écrire dessus, mais je vais le faire dans le week-end. Mm-hmm. Ouais. C'était vraiment très très bien. Alors, c'est pas un film qui est sorti au cinéma, c'est sorti directement en vidéo. Et je me suis éclaté, quoi. Et c'est drôle. C'est une comédie d'épouvante un peu. Mais c'est fait comme un faux documentaire, en fait. C'est une équipe de tournage, un peu comme pour Rec. Je sais pas si tu connais The Office, la série. Non. Non, pas du tout. Voilà, ceux qui connaissent ou Parks and Recreation, c'est un peu. Je pense que c'est un peu le même genre. C'est du documentaire avec des interviews, etc. Je peux pas comparer, du coup. Donc, donc là, en fait, c'est une équipe de tournage qui va suivre un groupe de trois vampires colocataires, quatre vampires colocataires. Et donc, du coup, ils vont les suivre dans leur quotidien, quoi. Alors, toutes les questions qui touchent au quotidien d'un vampire, alors ça passe. De trouver la nourriture, le soleil et tout. Enfin, et en fait, ce qui est super, c'est que tu sens que les réalisateurs, ils ont vraiment chopé ils ont chopé tous les détails qui font la particularité de la créature qu'est le vampire. Ouais. Et ils ont bossé là-dessus parce que ils arrivent toujours à tourner dans la dérision sans que ça devienne débile, en fait. Moi, il y a une scène où j'étais vraiment mort de rire. C'est il y a un moment, les trois vampires sortent de boîte. Et il croise une... Oui, non, pas la boîte à Morgane. Pas celle-là. Ils sortent de boîte de nuit. Précise, la boîte à Morgane, précise qu'on parle d'un film. Oui, c'est un film. On parle d'un film qui est à la recommandation. Dont on devait vous parler ce mois-ci et qu'on vous parlera dans le prochain podcast. Voilà. Averti, mais la boîte à Morgane, un peu. Et donc, en fait, ils sortent de boîte et ils croisent une meute de loups-garous. Et t'as l'un des vampires, voilà, bon, ils essaient de s'éviter parce que les nuits naturelles, les loups-garous, les vampires, ils commencent à se chauffer un peu, quoi, à s'insulter et tout, et ils se sortent des trucs mais complètement cons, mais moi j'ai vraiment rigolé, tu leur as reniflé le cul à combien de fois à tes potes avant de te rendre compte qu'ils faisaient partie de ta meute, enfin c'est des trucs tout cons, quoi, mais j'étais vraiment mort de rire. En fait, ça pique sur tous ces petits détails-là. Et ça sait parfaitement les mettre en scène pour créer l'humour. Et en même temps, la trame fonctionne. Elle est assez simple, mais elle fonctionne bien. Et c'est bien fait aussi. C'est vraiment bien fait. Ils vont jusque dans le détail où les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs, où ils peuvent se transformer en chauve-souris et tout. Et ça, tu le vois, et c'est un fond de footage. Donc, ce n'est pas évident. La technique, elle est d'autant plus complexe. Donc voilà, moi, c'est vraiment un film que je vous recommande. J'ai vu en fait sur Allociné, parce que j'ai vite regardé quand t'as donné le titre. Ouais. C'est un film néo-zélandais, mais apparemment il y a des noms d'acteurs français. Tu l'as vu en VF? Je l'ai vu en VF. Alors il y en a beaucoup qui gueulent sur la VF, qui la trouvent pourrie. Et en fait, quand on voit le film, moi je trouve que la VF est volontairement très burlesque, en fait. Mais en fait, c'est un film qui se prend vraiment au second degré. C'est un genre de qui a tué Pamela Rose, mais avec des vampires. Sauf que c'est 10 D'accord. fois plus drôle que qui a tué Pamela Rose. Mmh. Et ça fonctionne vachement bien. Et du coup, la VF, pour en parler, moi, je ne l'ai pas trouvé mauvaise. Il y a quand même les voix d'Alexandre Astier et tout, donc c'est pas... Mais c'est pas rien, quand même, Alexandre Astier. Puis tu sens qu'ils se sont éclatés. Et justement, les voix correspondent aux clichés que véhicule chacun des personnages. Et après, c'est pareil. Dans le film, enfin dans la version originale, l'action se passe pas au même endroit en fait que celle où elle se passe dans la version VF. Dans la version VF, en fait, c'est des vampires qui habitent dans la banlieue de Limoges, dans la Vienne. Mais rien que ça déjà, mais tu te dis. Mais... Excellent. Et c'est vraiment super drôle. Donc franchement, je vous le recommande. Franchement, tu m'as donné envie de ouais, le voir. C'est un film qui a pas eu beaucoup de, pas eu beaucoup de promos. Ouais. Parce que c'est du direct to vidéo. C'est du DTV, ouais. Mais voilà, moi je vous le recommande vraiment. C'était très. Ouais. J'ai vraiment ri, et pourtant en termes d'humour, je suis assez chiant en général. Donc voilà, moi j'ai vraiment marché à fond dedans. Et si vous aimez bien les vampires, du coup vous allez bien vous marrer. Voilà, voilà. D'accord. Bon, bah moi ça me tente en tout cas. Je sais pas, vous, Morgane et Quentin, mais... Ah ouais, non, mais les vampires à Limoges, moi, c'est franchement... Ouais, mais rien que ça, les vampires à Limoges, même j'étais pété de rire, quoi. Et ouais. Attends, le nom des vampires dans la version française, c'est Bernard, machin... D'accord, ok. Celui qui a transformé les trois vampires, il s'appelle Bernard, quoi. Bernard, c'est l'équivalent de Dracula dans le film, si tu veux, donc... Et justement, il joue beaucoup sur les codes des films de vampires aussi. Mm-hmm. Donc d'accord. C'est assez sympa, voilà. Moi je vais faire assez vite parce qu'on a pris beaucoup de temps pour tous ces films. Mais moi après j'aimerais bien, Axel, si tu le permets, faire comédie, mais là ce sera très rapide, de parler de trois films d'un coup, mais très rapide. Trois films. Ah mais t'inquiète pas, je vais laissez-moi 5 minutes. Voilà, ce sera 5 minutes, trois films. Mon coup de cœur, c'est un petit coup de cœur, c'est pas non plus la grosse révélation. C'est L'Homme Irrationnel, donc le dernier Woody Allen. Qui est voilà, on entend déjà l'avis de Morgane qui est complètement contre le film, mais ça je le savais avant de me lancer dans ce coup de cœur. Alors je m'y suis préparé psychologiquement. Donc il est sorti en France le 14 octobre 2015 et aux États-Unis le 17 juillet 2015. C'est un film réalisé et scénarisé par Woody Allen. Et on retrouve à la distribution Emma Stone, Joaquin Phoenix, Parker Posey, Jamie Blackley, et Ethan Phillips. Donc, c'est, pour moi, c'est un des meilleurs Woody Allen depuis Minuit à Paris. Pour moi, Minuit à Paris, c'est un chef-d'œuvre. Celui-là, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais tout ce qui est sorti après Minuit à Paris, c'était un peu moins bon, franchement. C'était beaucoup moins bon que Minuit à Paris. J'avais bien aimé To Rome With Love. Je trouvais ça sympa. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aussi aimé Magic in the Moonlight, mais c'était pas non plus transcendant. Et là, pour même L'Homme Irrationnel, donc Irrational Man en anglais, moi, je l'ai trouvé vraiment très très bon par rapport aux anciens Allen qui étaient sortis les années précédentes. Déjà, Allen, il a 79 ans et il sort des films tous les ans déjà. Oui, enfin, il faut préciser qu'il fait des films pour passer le temps. Il l'a dit lui-même. Je trouve que c'est quand même curieux. Le mec, il s'emmerde un dimanche. Tiens, je vais appeler Joaquin Phoenix. C'est génial quand même comme métier. Mais enfin, il est tellement passionné par son métier que qu'il faut qu'il en fasse. Le mec, il vit vraiment du cinéma et ça se voit. Ça, c'est bien. Hein, voilà, il en bouffe au petit-déj. Enfin, voilà. Donc, moi, je vais parler rapidement parce qu'on a beaucoup. On a beaucoup de temps sur les films, donc j'ai trouvé la réelle vraiment excellente et très propre, comme il nous a habitués pour ces films. Maintenant, au bout de 80 films, je pense qu'on peut faire une réelle très propre et vraiment très, très bien pensée. La force de ces films, pour moi, c'est toujours ses dialogues. Et dans celui-ci, il prouve encore que c'est toujours le cas, avec des dialogues qui sont captivants, au service d'une histoire prenante, qui prend une tournure assez inattendue au milieu de film, qui rend le tout encore plus passionnant, personnellement, j'ai trouvé. Ensuite, concernant les acteurs, moi j'étais Emma Stone joue très très bien. Moi j'ai vraiment adoré son rôle. C'est une étudiante qui tombe amoureuse de son professeur de philosophie qui est interprété par Joaquin Phoenix. Ce professeur de philosophie qui est un peu qui est quelque peu alcoolisé, on peut dire même très alcoolisé, qui est en pleine crise existentielle, qui va retrouver un sens à son existence lors d'une conversation dans un pub, j'en dis pas plus. Et donc là, il va faire. Je veux pas en dire plus parce que sinon ça spoil le film. Et justement, c'est ça qui est le plus intéressant dans le film. Et pour moi, c'est ce truc qui m'a le plus captivé, c'est tout l'aspect enquête, sans en dévoiler plus, du film, tout l'aspect planification, etc., qui m'a vraiment passionné. Après, les histoires d'amourettes, etc., c'est pas non plus le truc le plus passionnant, surtout qu'on en a vu 3000 chez Woody Allen et 100 fois mieux. Mais là, pour moi, ce film est très très bon. La musique est aussi excellente. Moi, j'adore toujours la musique chez Woody Allen. J'aime bien le jazz, il en met assez souvent, donc je suis conquis sur ce point-là. Et donc le film, moi, je l'ai trouvé très très bon. Il m'a surpris sur certains points, surtout sur la fin. Dans son côté, il a un côté un peu burlesque vers la fin que j'ai trouvé assez surprenant par rapport à tout le reste du film. Qui rend la fin pas si importante que ça. Voilà. Donc je sais pas ce que je sais que t'as pas aimé le film. Ouais, non, ça va être rapide. Non, je me suis vraiment ennuyé en fait. Ouais. J'ai pas trouvé ça très mordant, j'ai pas trouvé ça très cynique, je trouvais ça extrêmement chiant. Mais ceci dit, c'est très très bien joué et j'ai aimé la tournure que prend le film à mi-parcours. Mais malheureusement, ça a pas suffi. Je trouve que ça retombe comme un soufflé jusqu'à la fin. Et c'est dommage parce que les acteurs sont vraiment excellents. Cette actrice m'épate, quoi. Je trouve qu'elle fait des choix. Déjà, dans Magic in the Moonlight, elle était vraiment assez étonnante. Je l'ai pas vue, mais vraiment Emma Stone, enfin voilà, même cette année chez Inarritu, elle était magnifique. Enfin, honnêtement, c'est une actrice qui m'épate. Joaquin Phoenix n'en fait pas trop. Non, non. J'ai un mauvais souvenir de lui dans le film de Paul Thomas Anderson, The Master, je crois qu'il cabotinait pas mal. Là, non, il revient vers un truc plus... Voilà, le personnage est intéressant, mais le problème, c'est... Ça m'ennuie, quoi. Franchement, je me suis ennuyé. Mais c'est un truc... Enfin, Woody Allen, c'est vraiment très spécifique. Hein. Je crois que c'est pas trop... Alors, j'ai pas vu les fondamentaux de Woody Allen. J'ai même pas vu Match Point, pour être honnête. Ouais. Mais je crois que Woody Allen, il fait... Honnêtement, je crois que son cinéma m'intéresse pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est très philosophique, en fait. Et moi, c'est ça que la philosophie, effectivement, c'est nourri de bonnes intentions, mais pour moi, honnêtement, c'est vide. Entends vraiment que pas du tout sensible au cinéma de Woody Allen, enfin, au peu de films que j'ai vus, même si To Rome With Love, c'est peut-être mon préféré. Ouais. J'ai pas aimé Blue Jasmine, par exemple, tu vois. Donc, non, franchement, je suis pas. Non, ça m'a juste ennuyé. Je suis allé le voir juste après Aladdin. Donc... J'ai fait une thématique. C'était pas la bonne journée pour toi, en tout cas. Non, mais en fait, Woody Allen, c'est du cinéma très intelligent. Hein, parfois. Oh, bah, sympa. Non, mais. Je voulais pas dire que... Non. Non, non, mais je comprends. Je comprends qu'on aime, parce que voilà, c'est les puristes de Woody Allen adorent. Hein. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Ah ouais, non, mais je comprends. Les dialogues, pour moi, c'est vraiment sa force. Et là, c'est le film est surprenant au niveau de ses dialogues, surtout en VO. J'ai eu la chance de pouvoir le voir en VO. Je l'ai vu en VO aussi. Ouais. Donc, c'est bon, par contre, si on commence à s'ennuyer dès le début, après, si on suit pas l'histoire, c'est. Ah ouais, non, moi, ça a été mortel. Voilà. Au bout de 10 minutes, j'ai fait, je vais pas tenir. C'est ça. Je crois que je me suis endormi pendant le film. Au début, je sentais les 5 premières minutes, je me suis dit, ouh là là, ça part dans des trucs, sont pas, enfin, ça me passionne pas tellement. Et puis après, c'est reparti dans un truc qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, moi, le film m'a beaucoup plu. Je vous le conseille. C'est pas un excellent Woody Allen, c'est pas le meilleur Woody Allen, mais c'est un très bon cru de Woody Allen. Voilà. Et moi, en général, les films de Woody Allen m'intéressent bien. C'est vrai que j'essaie de les voir. C'est pas évident parce qu'il en sort un par an, ouais. Mais celui-là, je sais pas. Vraiment. Franchement, la bande-annonce ne dit rien par rapport au film. Ouais. Moi, enfin, vraiment, c'est très surprenant la tournure qu'il prend. C'est pas un problème de casting, hein, parce que moi, Joaquin Phoenix et Emma Stone, y a pas de problème, mais je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, je te le conseille si t'as le temps de le voir. Oh, mais j'aurai pas le temps de le voir avant la fin de l'année, parce que de toute façon, il ne passe pas chez moi. C'est comme dit Morgan, c'est les films intelligents, donc ça ne passe pas en province. C'est pas moi qui a dit ça. Non, c'est Axel, pardon. Ah bah voilà. C'est lui qui a dit ça. Mais moi, j'habite en province et ça passe. Non mais. J'ai oui, pas mais dit ça. Pas dans ma province à moi. Oui. Donc oui, moi j'ai trouvé ça très bien. Morgan un peu moins. Donc. Ouais, ouais. Non. Ok, moi je vais passer à un autre film. Alors là, moi, les rôles vont être inversés avec Morgan. Là aussi, c'est un film qui est trop intelligent. Voilà. le film c'est Sicario, donc c'est réalisé par Denis Villeneuve. Il est sorti en France le 7 octobre 2015 et aux États-Unis le 18 septembre 2015. On retrouve au casting Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Daniel Kaluuya, Victor Garber et Jeffrey Donovan. Donc, pour faire très très vite, parce que... Oui, on va faire vite, même moi je vais pas... Le souci avec ce film, c'est que je l'ai vu, pas le jour de la sortie, mais... Juste comme ça, c'est vrai que même quand Axel n'aime pas un film, il met que 5 sur 10, ce qui est déjà en soi pas une mauvaise note. Hein. Je suis gentil. Voilà, donc le film. Donc, déjà, le film ne m'intéressait pas de base. Je suis allé le voir parce que c'était Denis Villeneuve et j'ose le dire, je sais que Quentin me soutient là-dessus. J'ai aimé Ennemi. Oh, voilà. Quelle horreur! Morgan et Eddie ne sont pas d'accord, mais moi j'ai bien aimé Ennemi, donc c'est pour ça que je suis allé le voir. Et Prisoner, ouais. Prisoner, c'est formidable, c'est magnifique. C'est très bien, Prisoner. Magnifique, Prisoner. Ouais. Je vais peut-être l'acheter en Blu-ray d'ailleurs. Je raconte ma vie, mais je vais l'acheter en Blu-ray. Voilà. Moi j'ai vraiment aimé son dernier film, donc je suis allé le voir par pure curiosité. La bande-annonce ne me tentait vraiment pas, parce que je sais que je ne supporte pas ces histoires de cartels et de FBI et d'enquêtes à rallonge, etc. Ouais, pareil. Qui me laisse vraiment en froid. Oui, mais c'est pareil, ça m'ennuie en fait. C'est la façon dont Teddy l'a dit, ouais, pareil. Hein. Ah, mais non, mais moi tout ce qui est les problèmes de frontières et tout, mais c'est vraiment pas des sujets. Voilà. Le c'est trucs que tu vois aux infos, déjà ça te gonfle, alors t'as pas envie de les voir au cinéma quoi. Ouais, et donc en fait, le souci du film pour moi, c'est qu'il a le fond est très intéressant, mais c'est très très mal développé et c'est très mal expliqué en fait. Moi j'étais perdu plein de fois pendant le film. Il y a un moment où, enfin, c'est peut-être parce que je m'ennuyais pas dès le début, parce que dès le début on est quand même on arrive quand même dans une scène assez graphique. Ouais. C'est très violent. C'est très violent. Je me suis dit, wow, ça risque d'être assez intéressant. Et puis après, ben, ça va dans les trucs de FBI, dans les trucs de. Nanana, c'est bavard. Voilà, c'est très bavard et c'est pas pour dire des trucs très passionnants, en fait. Du coup, moi, ça m'a vite saoulé et j'ai vite décroché. Et alors, il y a même des scènes où bah, je ne comprenais pas rien au film. Il y a des scènes qui se passaient dans le noir avec des lunettes de vision nocturne. C'est formidable, ça. C'est à ce moment-là que le film, pour moi, je me suis dit... On ne voit que dalle. On ne voit justement, on rien. Justement, fameux. Oui, mais on ne voit rien. Ça sert à quoi de voir des... Tu n'as pas eu envie de te dire, mais où est la chèvre? Non, j'ai pas compris la vanne. Ouais. Lunettes de vision nocturne dans Jurassic Park avec la chèvre. Ah d'accord. Ah, ouais, voilà. Donc, je sais, c'est inné chez moi. Donc voilà, pendant 20 minutes, enfin en 10 minutes, j'exagère, ça me paraissait 20 minutes, mais c'était peut-être 10 minutes, on voit rien dans le film, les personnages on les voit à moitié, moi j'ai rien compris à ce qui s'est passé, il y a une histoire de tunnel entre la frontière américaine et mexicaine, apparemment il s'est passé un truc exceptionnel, et dehors, enfin quand il ressort de ce tunnel, voilà, il se tabasse, je sais pas pourquoi, enfin... Il y a un manque d'explication qui est assez aberrant en fait dans ce film et c'est peut-être moi hein, c'est peut-être moi parce que j'ai vite décroché mais par contre ce que j'ai beaucoup apprécié c'est pour ça que j'ai mis un 5 mais j'étais peut-être trop gentil c'est parce que je suis trop gentil mais j'ai mis un 5 parce que la réalisation est exceptionnelle ah oui. À part cette partie dans le noir qui est vraiment mal foutu, le reste est super carré, super beau. Voilà, c'est le seul truc qui sauve le film pour moi avec la musique qui est pas mal, qui est pas non plus. Mais c'est toujours le problème chez Denis Villeneuve, hein, ça. C'est que formellement, c'est tout le temps très très bon. Et c'est plus dans le fond en fait que ça laisse à désirer. Pour moi, c'était vraiment ça le problème sur Enemy déjà. Ouais. La mise en scène est top, mais après le fond. Et là, en fait, ce que t'en dis, j'ai l'impression que c'est la même chose. Donc, Non, c'est. Pour moi, Enemy, c'était vraiment du. On va faire super compliqué pour raconter un truc qui tient sur un post-it, quoi. Ouais, franchement. Pour moi, c'est vraiment. C'est la masturbation intellectuelle. C'est notre trappe-couillon. Ah, bah oui, pour le coup. Non, mais attends, les métaphores lourdingues dans Enemy, c'était insupportable. J'avais vraiment l'impression de voir des vidéos inventées qui se masturbent devant la caméra en disant ouais, c'est cool, je vais faire plein de métaphores, c'est trop bien. Et puis en fait, je vais vous raconter un truc qui franchement tient sur deux lignes. Je me suis dit, mais non, pour moi, c'est le contraire absolu de ce qu'il faut faire au cinéma. Vraiment. C'est pas ce que j'ai ressenti dans Sicario, que pour moi est un film de maîtrise totale. Je comprends, c'est un film très lent, mais c'est un film qui, derrière sa lenteur, se cache pour moi un suspense qui, pour moi, est crispant. J'étais tendu sur mon siège, puis il y a une tension qui fait que grandir au fil du temps. Et les acteurs sont magnifiques. Emily Blunt, je trouve qu'elle porte en elle cette violence froide et très cachée, finalement, qui est prête à exploser. Et encore, on ne sait pas si elle va exploser. Je trouve que les personnages sont vraiment... baigner dans une espèce d'incertitude, on ne sait pas qui va craquer, on ne sait pas quelles sont leurs intentions. C'est un peu bordélique, vraiment. Mais moi, au début, je me dis, mais en fait, ils cherchent quoi? Parce que du coup, je comprenais pas. C'est le coup du père le père mexicain avec son fils là au foot. Je comprenais pas un peu le truc. Au bout d'un moment, il y a un fil qui fait que tout se relie. Et à ce moment-là, à partir de la scène justement, de la scène de nuit, là, je me suis dit, ok, on n'est pas du tout dans un film de cartel pur, on n'est pas du tout là-dedans, c'est vraiment un réalisateur qui a vraiment des idées de plan. Alors on sent qu'il a vu Zero Dark Thirty, ça c'est clair, même s'il va falloir que je revoie le film, parce que je crois que j'avais vu à l'époque, et donc il va falloir que je revoie le film. Non, mais j'étais complètement con, non mais je sais pas, enfin j'ai vraiment pas vu le film en termes de réalisation, je pense que je suis passé à côté de quelque chose. Et là vraiment Sicario, pour moi c'est vraiment un film, même dans sa violence, c'est pas manichéen, il y a vraiment quelque chose de fort, et les acteurs portent ça. Benicio del Toro, je l'ai trouvé, mais tu le vois à 100 km ce qui va se passer. Ah, il n'y a aucune surprise, là, encore une fois. Oui, mais Morgan, il aime bien quand tout est expliqué dès le début. Il a bien aimé déjà. Dans le problème, c'est super beau, etc. Oui, mais le fond, les idées qu'il veut développer sont très bonnes, mais il n'arrive pas à les développer. Une femme dans le milieu du FBI, du cartel, etc. On a vu ça 100 fois, Mais c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'il s'arrête pas là, qu'il s'arrête pas. C'est pas une femme, c'est juste un agent. Point. Elle est beaucoup ramenée à son sexe en fait. Oui, justement, et notamment à une scène où elle sert d'appât carrément. Je trouve la scène très forte, mais à aucun moment il justifie. Au contraire, je trouve que le film est pas du tout dans ce délire là. Il est même pas non plus. Enfin, c'est pas du tout un film de cartel pur. On n'est pas du tout là-dedans. Pour moi, c'est vraiment un film sur la violence. Et là, pour le coup, bon, il se sert de ce décor là. Je trouve le décor mexicain très beau. Oui, c'est très beau. Voilà. C'est très beau, mais en même temps, c'est horrible. Oui, mais voilà, c'est ça aussi au cinéma, c'est montrer des choses ignobles en étant. Enfin voilà, je trouve que Denis Villeneuve a une manière de filmer qui, autant dans Ennemi, j'avais trouvé ça mais ronflant à mort, et le film était beaucoup plus court. Je le préfère peut-être dans le registre du thriller à la Prisoner. J'avais trouvé ça plus beau, plus. On se rejoint sur Prisoners. Après, c'est pareil, pour mettre une nuance, Prisoners, c'est réussi, mais c'est vrai que c'est. Tu sens les inspirations quand même dans Prisoners aussi. Oui, mais après, tu peux être inspiré et bien le faire. Et c'était le cas de Prisoners, justement. Après, Sicario, pour moi, il est inspiré clairement de Zero Dark Thirty. Il y a des plans qui rappellent vraiment le film, même si le film, ça fait longtemps que je l'ai vu. Ouais. Mais jusqu'à la fin, je veux dire, même la violence qu'il en fait, la violence qui monte, c'est crescendo, ça explose, mais pas très. Enfin, Je comprends que j'ai vu le film. Ouais, mais moi aussi, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à rappeler des exemples précis, je comprends totalement. Ouais. Et honnêtement, au tout début, même moi, j'étais surpris à ne pas m'ennuyer. Je me suis dit, c'est bizarre, j'aime le film. Peut-être que si je le revois, peut-être que je vais me dire, bon, ok, finalement. Moi, je me suis dit, c'est bizarre, j'aime pas le film. C'est bizarre, ouais. Non, bon, franchement, voilà, ça fait. Je l'ai vu au début de mois, donc forcément, c'était pour moi mon coup de cœur. Mais après, il y a eu Seul sur Mars qui a débarqué. Enfin, voilà, du coup, j'ai peut-être un peu plus oublié Sicario. Mm-hmm. Mais j'ai adoré. D'accord. Bon, bah, moi, il y a juste la réal et la musique un peu qui m'a plu, mais après, le reste, voilà. Je ne vous le conseille pas, en tout cas, personnellement. Voilà. Enfin, fini. Ah non, c'est vrai, il veut parler de trois films en 5 minutes. Ouais, mais je vais être très rapide. Alors, on va chronométrer. Oui, on chronomètre. 5 minutes. Allez, ok. On va parler d'un film qui est sorti en début de mois. Un film que tout le monde, en tout cas les fans, attendaient. Le Labyrinthe 2. Fallait quand même en parler de celui-là. Tais-toi donc. Tu me fais perdre mon temps là. Donc le Labyrinthe 2, on est c'est le même réalisateur, c'est Wes Ball. J'avais adoré le premier. Le deuxième m'a moins surpris clairement, mais quand on voit la fin du 1, ceux qui ont aimé le 1, je précise, ne peuvent pas ne pas avoir envie de voir le 2. Donc là le 2, on Et est vraiment. Ceux qui n'ont pas aimé le 1 peuvent avoir envie de voir le 2. Ils peuvent avoir envie, mais ils aimeront pas, vraiment. Donc, alors, il y a des défauts dans le 2, effectivement, la réalisation est un peu moins, il y a plus de facilité, notamment un abus de shaky cam, je trouve qu'il abuse un petit peu, mais on est clairement dans un cadre différent, ça n'a rien à voir avec le premier, je préfère peut-être le premier en matière de surprise, parce qu'il m'avait surpris dans son univers, mais là, l'univers est très, Eddie, je vais te dénoncer tout de suite, parce que... Alors, Eddie est en train d'écrire une saloperie sur Skype, il a dit Jean-Pierre Coff dirait que c'est de la merde. Donc l'univers est très bien par rapport au livre, je l'ai pas lu et je m'en fous. Mais arrêtez les gens, vous êtes en train de me troller là, vous imaginez pas ce que les fans du Labyrinthe attendent de moi, ils vont poursuivre là, ils vont taper. Bah, Quentin avec toi, non ? 3 minutes Morgan. Mais arrêtez, putain. Bon, ok, d'accord, 7 minutes. Vas-y. C'est la suite. C'est vraiment, je trouve qu'en termes d'univers, c'est bien développé. Toujours, voilà. Les acteurs font bien leur boulot. C'est très bien. Il faut y aller, honnêtement. Voilà. Quentin, t'as lu le bouquin c'est... Non, t'as pas lu le bouquin. J'ai pas lu le livre. Mais t'as pas vu non plus J'ai aimé, ouais. Moins que le premier, mais j'ai aimé. Ouais, voilà. D'accord. Deuxième petit film, un petit film qui est sorti un peu dans l'ombre et qui est dit voulez voir et que j'y conseille d'ailleurs, Le Nouveau Stagiaire, le film de Nancy Meyer avec Anne Hathaway et Robert De Niro. Bah, c'est vraiment un peu comme Le Diable s'habille en Prada, c'est vraiment le genre de film qui me fait passer un super moment. Et là, je trouve que De Niro ne joue pas le vieux de service, même si le postulat du film peut laisser penser le contraire. Mais c'est un film qui est rempli d'humanité, qui est très touchant. Ce que ça dit sur le temps qui passe, ce que ça dit aussi sur la vieillesse, sur qu'est-ce qu'on fait une fois arrivé en tant que senior, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres et qu'est-ce qu'on peut s'apporter à soi-même. Donc c'est vraiment un très beau film, bourré de bonnes intentions, très touchant, et je recommande vraiment si vous avez du temps à tuer, que vous le trouvez, disons-le en streaming, regardez-le, ça va pas faire de mal. Si vous voulez voir un bon film sur la vieillesse, vous regardez Nebraska. Ouais. Amour. Non, Amour. Oui, c'est compliqué, Amour. C'est compliqué, oui. C'est un film sur la vieillesse, vous allez vous tuer avant, je vous le garantis. et enfin, un autre film. Justement, on parle d'amour, transition. J'ai parlé de Mon Roi, de Mai Wen. Fallait quand même en parler. Grand coup de cœur pour ce film, immense coup de cœur qui est passé à Cannes d'ailleurs avec Sicario, donc voilà, ça se rejoint, tout se relie. Tout est lié. Tout est lié. Il a eu donc le prix d'interprétation féminine pour Vincent Cassel. Non. Oui, bah Vincent. Oui, bien sûr. Vincent Cassel, interprétation féminine, c'est logique. Pour Emmanuelle Berco, c'est aussi une excellente réalisatrice dont le film La tête haute est sorti récemment en DVD en Blu-ray. Achetez-le, c'est vachement bien. Donc, Mai Wen, réalisatrice aussi adorée que injustement critiquée. Je pense que je reproche à certaines critiques d'être vraiment pour le coup très machiste. Moi, je l'adore, mais je comprends certaines critiques. Et je comprends pas certaines par rapport critiques. Au côté machiste. Mais il y a certaines critiques. Le côté machiste, je suis pas d'accord du tout, mais le côté. Juger Mai Wen. Le c'est côté une femme, petite, c'est la petite arriviste, tout ça. Exactement. Je peux comprendre un peu. Mais... Oui, puis Mai Wen, de toute façon, voilà, même ça se voit en interview, c'est pas une femme facile, c'est une femme qui a son caractère. Et ouais, franchement, ça, voilà, il y a même une actrice d'ailleurs qui s'est un peu révoltée, qui avait tourné avec elle, qui avait été coupée au montage. Mais bon, vaut mieux ça que Rose Bosch. Hein. Oui, voilà. Qui nous a fait la rafle et compagnie. Hein. Et puis voilà, l'autre, Marie Castille, mention char, là, qui nous a fait ma première Mai fois Wen. Et tout ça. Mai Wen, on aime ou pas, je trouve qu'elle a quand même une façon de tenir une caméra, une façon de mettre en scène ses acteurs. C'est une comédienne qui aime les comédiennes, mais c'est rare aussi qu'elle fasse jouer des acteurs. Je trouve qu'elle est très à l'aise, même dans Police. Hein, Police, c'est quand même Karine Viard qui prend le dessus, Marina Foïs, Joe Star. Bon, c'était un peu, voilà, c'est un peu, mais Le Bal des Actrices, c'était quand même le film symbolique sur ça. C'est vraiment, elle aime les actrices. Et là, justement, elle met en scène un couple. Et pour moi, c'est un couple magnifique. J'ai adoré les regarder, j'ai adoré les détester. Donc, Vincent Cassel et Emmanuelle Berco. Mais Emmanuelle Berco qui porte le film sur ses épaules, elle est magnifique, elle est radieuse. Très gentleman, très, très classe. Et je trouve que l'alchimie à l'écran pend parfaitement. Elle dépeint la vie d'un couple avec énormément de pessimisme, j'ai envie de dire. Pessimisme. Avec énormément de pessimisme. Oui, mais je lis en même temps les petites trucs. Non, mais c'est du gros troll, là, non, regarde c'est ça. C'est du gros troll, et voilà, je suis en train de pourrir mon moment. Là. C'est n'importe quoi ce soir. Donc. Ah non, mais ouais. N'importe quoi. Non, mais là, on m'aime pas, je le sais. Donc, comme je disais, voilà, qu'on aime ou pas, Mai Wen, c'est une réalisatrice qui a des idées. Ses films ne sont pas vides, non, pas loin de là. Je sais pas, en fait, je me suis embarqué dans un truc, je sais pas trop quoi en dire. Non, c'est formidable, c'est bouleversant. C'est un film qui prête à réfléchir, personnellement. J'ai beaucoup réfléchi devant ce film-là, sur moi-même, sur ma conception du couple, effectivement. Et c'est merveilleusement joué, quoi. Mai Wen fait jouer ses comédiens en laissant champ libre à l'improvisation. Faut savoir que tout est écrit, mais elle laisse ses comédiens improviser et partir dans les trucs. Et le film, justement, est très naturel. On sent une spontanéité dans la façon que les comédiens ont de jouer. Et je pense que c'est ça qui fait la force de ces films. Ça m'avait déjà plu dans Police. Mais arrêtez, les gens, là. Non, mais arrêtez, c'est pas possible, là. Franchement, vous êtes en... Il y a Eddie qui se lance dans une imitation de Julien Lepers à l'écrit. Mais je vous jure, là, il est en train de me tuer. Mais le pire, c'est que c'est pas lui qui a bu la bière. Hein. Voilà. Bon, ok. Allez voir Mon Roi, c'est très bien. Et voilà, allez-y, c'est bon. Tant que tu as fait une petite recommandation, moi j'en fais juste une rapide de même pas 30 secondes. Je vous conseille d'aller voir Asphalt, qui est un film de Samuel Bechetrit que je suis allé voir le 7 octobre 2015. Tu vas te péter ça, le bobo. Non, mais j'en ai rien à foutre. Ça n'a rien à voir, mais c'est juste très très bon. Je vais pas le voir celui-là, ça me prend pas du tout. C'est des histoires, c'est trois histoires fantastiques dans la banlieue, donc dans une banlieue de France. Et voilà, c'est très. Ils parlent pas de la banlieue comme on en parle dans tous les films où on voit des jeunes se révolter, etc. Non, c'est juste. La banlieue est un univers comme les autres et il en joue pour raconter des histoires fantastiques. Voilà, et donc c'est très très marrant. Et c'est très touchant, voilà. Tout ce que je voulais dire sur ce film. Voilà. Alors, vous voyez le nombre de coups de cœur et coups de gueule qu'on a eu ce mois-ci. C'est pour vous dire le nombre de films qui sont sortis ce mois-ci. Et on va encore vous en parler d'un dernier, qui sera le deuxième film du mois. Donc, on est parti pour le deuxième film du mois. C'est parti. Raconte-moi encore une fois cette histoire si jolie. On est donc à la dernière rubrique de ce podcast, le film du mois, le deuxième film du mois. Donc c'est sur The Walk, intitulé aussi en français Rêver plus haut. Voilà, il faut qu'on rajoute un sous-titre en français parce que les Français ne comprennent pas The Walk, bizarrement. Ah non, mais quoi, j'ai pas compris. Hein, j'ai pas compris du tout. Là. Putain. Non, mais... Putain, c'est pas possible. The Walk. Non, ah non, The Walk, c'est la marche, c'est The Wall, le mur. Pardon. Ça, tu... j'assume, tu garderas au montage, ça accepte, tu garderas. D'accord. Okay. Reprenons. Oui, donc on va essayer de reprendre sérieusement. The Walk. Non, en fait, il a compris The Wall et il a dit. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il est sorti aux États-Unis le 2 octobre 2015 et sorti en France le 28 octobre 2015. Il est réalisé par Robert Zemeckis. Le scénario est de Christopher Brown et Robert Zemeckis, d'après l'autobiographie To Reach the Clouds de Philippe Petit. On retrouve à la distribution Joseph Gordon-Levitt, qui interprète le rôle de Philippe Petit, Ben Kingsley, Ben Schwartz, Charles Lebon, James Badge Dale, Steve Valentin et Sergio Di Zio. Voilà. Donc, je sais que vous êtes deux, Morgane et Quentin, à l'avoir vu. Eddie, tu l'as pas vu. Non. Heureusement, je voulais le voir, mais il n'est pas passé. Ouais. Vous êtes deux contre moi parce que moi, enfin, c'était pas non plus le film de l'année, mais j'ai bien aimé et vous êtes deux. Non, j'ai bien aimé. Je suis quand même assez modéré. Il y a des trucs qui. Parce que Quentin, il me déteste vraiment. Hein. Ouais, Quentin me déteste. Moi, je déteste. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser parler Quentin d'abord. Pourquoi tu détestes ce film? Juste rappeler le synopsis en deux lignes. En 1974, le funambule français Philippe Petit tente également une traversée entre le sommet des deux tours au World Trade Center. Voilà. Donc, pourquoi tu n'aimes pas ce film? Pourquoi j'aime pas ce film? Bah, simplement parce que... Je sais pas si vous l'avez vu en VO. Non, vous l'avez pas. Apparemment, c'est horrible en VO. C'est horrible, franchement. C'est vraiment. Mais je sais pas comment il a fait son film, quoi. Enfin, j'adore Zemeckis, mais c'est affreux, quoi. Mais en fait, ça gâche complètement le jeu des acteurs. J'ai l'impression qu'ils récitaient leur texte sans même savoir ce qu'ils disaient. Joseph Gordon-Levitt, pendant tous ces dialogues, j'ai l'impression qu'ils savaient même pas ce qu'ils disaient, quoi. Mais donc, ils parlent français dans une partie du film, enfin, apparemment dans la VO, parce que je l'ai vu en VF. Donc, ouais. Ils parlent en français tout le temps, sauf une ligne. Voilà, dans tout le film où il parle en anglais. Donc voilà, apparemment ça apporte. Mais du coup, tu le vois en VO ou en VF, du coup c'est pareil. Non, il vaut mieux le voir en VF. Mais c'est la même chose alors s'il parle français. Mais en fait... non, parce qu'il est doublé en VF. Il parle en français dans la VO, mais voilà. Il est redoublé en VF dans la VF. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà. D'accord. Il parle pas toujours français dans la VO. Non, parce que du jour au lendemain, il se met à parler en anglais parce que c'est bien. Oui, mais il cherche justement, et là, c'est un peu là. Mais c'est complètement il cherche l'excuse, hein, il justifie. Mais même. Quoi, parce qu'il dit en fait, comme ce sont des Français à New York, ils disent on va parler anglais pour s'intégrer. C'est parce que Joseph peut pas tenir. Enfin, voilà. C'est pas justifié, je veux dire, les jeux des acteurs ont passé complètement, quoi. Je veux dire, enfin, il est. Bon, j'ai l'impression qu'il. Mais tu parles plus de Joseph Gordon-Levitt. C'est pas que pour ça que j'ai... Après, franchement, ça joue beaucoup, enfin, ça m'a beaucoup gêné. Ouais. Après, le début, je l'ai trouvé très long. Je trouve que le film, c'est un film qui se base sur une... qui tourne autour d'une scène, en fait. C'est un film qui est tout... chaque point amène à cette scène où il va traverser entre les World Trade Center, et je trouve... Enfin, j'ai pas vu d'intérêt au truc. Enfin, t'as beaucoup de films comme ça qui. Oui, mais c'est super long. C'est pas forcément. Ça tient pas l'intérêt. Enfin, je veux dire, ça tient pas l'intérêt. Alors, au début, c'est un peu. Une sorte d'ode à l'artiste qui va jusqu'au bout de ses rêves, etc. Et puis à la fin, ça finit en sorte de film sur le deuil des World Trade Center. Enfin, on sait pas où. Mais en même temps, ils étaient obligés de le faire. C'est très bien, enfin. C'est des personnages vraiment à part entière dans le film. Si tu le faisais pas, il y aurait beaucoup de monde qui aurait dit quelque chose. Mais c'est pareil, je prends un truc hyper classique, tu prends Titanic, tout amène au naufrage aussi. Voilà. Mais non, mais c'est, je veux dire, non, mais c'est pas. Et c'est pareil, James Cameron, il a bien une manière aussi de personnifier le bateau et en faire un personnage aussi. Donc c'est. Dans Titanic, il y a un délire. Pourquoi ce serait con qu'il y ait un hommage à. Mais non, mais j'aime. Déjà, j'ai pas aimé le personnage. J'ai pas aimé Philippe aussi. Je trouve que le personnage est arrogant. J'ai pas. Non, il y a. Mais ça, c'est fait exprès. Je sais que c'est fait exprès, mais c'est juste. C'est mal joué. Il est mal joué. Joseph Gordon-Levitt joue très mal dans le film, tout simplement. C'est... Pourtant, j'adore Joseph Gordon. Ouais, moi, j'ai trouvé. Alors, la réalisation est belle, la technique est belle, mais c'est une question d'accrocher au truc ou pas. Quoi. Enfin, c'est vraiment. Moi, je pense que, ouais, je pense que j'aurais eu le même problème si je l'avais vu en VO. Maintenant que vous expliquez pourquoi vous n'avez pas aimé le film, moi, j'ai eu la chance. Maintenant, je découvre que j'ai eu la chance de découvrir le film en français. Oui. Donc, je sais que en plus, Morgan déteste la personne qui double Joseph Gordon-Levitt, qui. Donald Pleasence. Voilà. Oh, mon Dieu. Mais je trouve qu'il joue très bien et qui m'a. Moi, j'ai eu aucun souci avec aucun des acteurs. Je les ai trouvés tous très bons et comme ben, comme il parlait pas moitié français, moitié anglais, moi ça m'a pas du tout gêné et j'ai pu rentrer. C'est bizarre quand même comme parti pris. Le souci, c'est qu'il n'a pas pris un français pour jouer un français. Ça, Je comprends pas. Ouais. Si, au minimum, si il aurait pris un. Tu veux absolument que ton personnage parle français, tu prends un français. Au minimum, il aurait pris un Québécois. On n'aurait pas. Le Québécois aurait fait un peu un peu français. Il y a des Québécois qui arrivent à perdre l'accent. Voilà, il y a des Québécois qui arrivent à perdre l'accent. Donc, oui, c'est vrai que ça aurait été pas pourquoi il n'a pas pris un acteur québécois. Il y en a des très bons d'ailleurs. Et pour jouer ce rôle, mais il a voulu avoir une tête d'affiche c'est un très bon acteur, hein, Joseph Gordon-Levitt. J'ai aucun souci avec lui. Mais enfin, d'après ce que vous dites, là, c'est pas, enfin, il joue pas très bien, quoi. Bon, moi, j'ai pas pu le juger parce qu'il c'était en français, c'était doublé en français, donc je pouvais pas juger son jeu. Mais par contre, moi, le film m'a beaucoup plu. Toute la partie d'introduction, de présentation, comment il découvre le funambulisme, comment il se façonne avec toute toute sa passion. Et puis, enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis, la réalisation est magnifique. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est au début à Paris, quand on est dans le noir et blanc. Et que on a certains objets qui sont colorés comme dans Sin City. Voilà, si vous voulez un exemple, mais c'est pas aussi stylisé que dans Sin City. Mais par exemple, il y a un objet spécifique, on voit du pain, c'est juste la seule chose colorée dans l'image noir et blanc, etc. Ça serait plus le noir et blanc à la liste de Schindler, un peu, non ? Oui, voilà. Avec la petite fille au manteau rouge. Ça, ouais. Et il y a plein d'objets qui sont très importants, très importants dans les scènes, qui sont colorisé en fait, et trouvé l'idée super bien, super bonne et bien réalisée. Sinon, la scène principale du film qui est la traversée des tours, moi j'ai trouvé, j'étais bouche bée devant pendant 15 minutes parce que c'est plus longtemps, hein, ça dure au moins une demi-heure, c'est impressionnant. J'ai pas eu la chance de pouvoir le voir en 3D, j'étais vraiment. Dégoûté parce que la séance était trop tard et je pouvais pas le voir, mais vraiment on sent, même en 2D ça se ressent encore plus, que le film a été pensé pour la 3D, parce qu'il y a vraiment une profondeur de champ qui est très visible même en 2D. Après le scénario, moi je l'ai trouvé très bon, j'ai pas eu de soucis, et la musique qui est de j'ai un petit peu Alan Silvestri en plus, oui. Qui est très très bonne, hein. Un habitué de Robert Zemeckis. Voilà. Ouais. J'ai trouvé absente, la bande originale, franchement. Pardon ? La bande originale, j'ai trouvé totalement absente. Enfin, ah bon ? Mais oui, mais même en fait, vous. Non, j'aime beaucoup, je trouve que niveau technique, c'est super bien, la scène, justement, le passage entre les deux Orphan Scepter. Mais je trouve que le film gagnerait vraiment à faire taire son personnage principal. Quoi. Enfin, la scène, elle aurait été beaucoup plus forte. Elle aurait été beaucoup plus forte si tout s'était joué dans les regards. En fait, j'aurais tellement aimé que Joseph Gordon-Levitt se teste pendant tout le film. c'est parce que tu l'as vu en VO. Je suis sûr que si tu. Ouais, peut-être que je vais essayer en VF, mais je trouve que les acteurs surjouent dans leur regard. Enfin, quand il est chez le dentiste, les figurants, mais c'est une horreur, quoi. Enfin, Mais c'est un peu, c'est, ça fait un peu cartoonesque. C'est un peu le début à Paris. C'est, enfin. Oh, d'ailleurs, le cliché sur Paris. Non, mais d'accord, mais ça, on Regarde pas Amélie Poulain, alors. Hein. Voilà. Magnifique Amélie Poulain, mais on l'a, le cliché. Voilà, c'est ça. Non, mais après, je comprends. Oui, mais là, c'est le but. Je veux dire, enfin, là, c'est. Oui. Bizarrement, tu passes en Amérique, t'as des clichés, enfin. Enfin, les Français font des films sur les États-Unis, il y a toujours des clichés aussi, donc on se rend à l'appareil, j'ai envie de dire. Morgane, t'as quelque chose à dire? Ouais, moi je suis un peu partagé sur le film. J'ai aimé le film, j'ai pas détesté, j'ai aimé le film, vraiment. Je trouve que la technique, et plus que la technique, la virtuosité, parce que Zemeckis, depuis toujours, hein, quand on voit Forrest Gump, qui à l'époque avait quand même proposé quelque chose. Visuellement, vous savez, les scènes de flash avec flashback avec Kennedy, même encore aujourd'hui, c'est très impressionnant. C'est vraiment, enfin, je l'ai revu en Blu-ray il n'y a pas longtemps, et honnêtement, ça n'a pas perdu de sa superbe. Je trouve qu'en matière de technique, Zemeckis se place très très haut. Ouais. Et vraiment, pour les 30 dernières minutes du film, honnêtement, le film vaut le déplacement en 3D. Et là, pour le coup, j'insiste lourdement, c'est au cinéma en 3D, pas ailleurs. Ouais. Sur un petit écran, ça n'a aucun intérêt parce que on va pas ressentir le côté vertigineux de la scène. Et en plus, c'est pas qu'une démonstration de force. La scène traduit vraiment quelque chose. Et c'est aussi en cela que le film j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas juste un film sur un mec qui veut traverser des tours. C'est toute une équipe autour et ils travaillent ensemble. Et c'est bien. Et c'est pas que sur ce personnage. Et ça parle aussi même du cinéma sur la conception de la façon hein. Spectacle, etc. Voilà le sens du spectacle. Qu'il y a des gens derrière, etc. Voilà les figurants quand tu les vois en dessous en train de. Les gens de la technique, enfin voilà. Il y a un côté burlesque effectivement dans le film, même pendant la traversée des tours, qui un peu, je trouve, désamorce les scènes de tension. À tel point que la scène de fin, honnêtement, je l'ai vécu en apnée pendant 10 minutes. Ouais. Et ensuite, j'ai relâché mes nerfs parce qu'il y avait le côté un peu frivole du personnage qui, bon, du coup, ça rendait la scène plus légère. Ouais. Mais il y avait quand même des moments où j'avais des petites montées de tachycardie. Je trouve vraiment, en matière d'immersion, en matière de spectaculaire, de sensation, c'est vraiment un film sur. Oui, c'est un film là-dessus. C'est un film sur comment il va monter ce plan. Il y a un côté un peu tactique, le côté un peu. Ça, c'est vraiment intéressant à regarder. C'est même amusant, j'ai envie de dire. Mais pour moi, il y a un gros problème de direction d'acteur. Alors, voilà, comme ça a été dit, Joseph Gordon-Levitt qui parle en français, c'est extrêmement charmant en interview. Mais dans un film où il est censé jouer un français, je trouve que quand les scènes où il parle français, où il est en France, enfin voilà, ça passe pas, quoi. Je trouve ça complètement, ça me sort du film. Donc le personnage est antipathique, c'est vrai, mais en même temps, il est comme ça. Donc je peux pas trop en vouloir à Zemeckis d'avoir présenté le personnage tel qu'il l'était. C'est un personnage qui est un peu casse-cou. C'est une personne réelle, donc voilà, il peut pas non plus tordre le cou à la réalité. Hein. Voilà, il est très casse-cou, il aime le risque. Se mettre en spectacle, il aime ce. Donc voilà, on retrouve tout ça. Je trouve que Joseph le joue très bien quand il parle en anglais, enfin en américain, voilà. Mais là, honnêtement, quand il parle français, ça passe pas. Quentin le disait, la scène chez le dentiste où il est là en mode mais madame, j'ai mal à la dent. Au bout d'un moment, franchement, ça passe pas et j'avais vraiment peur. Ceci étant, tous les acteurs sont pas mauvais. Je trouve que Charlotte Lebon s'en tire vachement bien. Elle est géniale. Parce que franchement, Miss Météo de Canal+, qui fait des films comme ça, et en plus elle les fait vachement bien. Chapeau à elle, parce que c'est pas évident. Après, voilà, j'ai juste un problème avec la direction d'acteur. Mais le film a pas ennuyé, j'ai trouvé plutôt captivant. Et quand même, les 30 dernières minutes, pour moi, c'est vraiment... Ouais. C'est virtuose, c'est vraiment le gars... Techniquement, le film il est parfait. Il y a une émotion et aussi dans les tours. Les tours, c'est vraiment des personnages et la façon dont. Parce que, alors, là aussi où le film est un peu pas bien. Je parle pas français. Pas trop bien. C'est qu'en fait, ça on l'a pas dit. Enfin, ou alors je vous ai mal écouté. C'est qu'en fait, Joseph Gordon, il parle à la caméra pendant tout le film. Donc à chaque fois, il y a des retours. Ouais, Joseph qui est là en train de parler. Oui, machin. Et ça passe pas. Alors heureusement que le personnage se tait à la fin, mais on l'entend en voix off, et je trouve que la voix off ne porte pas la scène, justement, elle désamorce un suspense, elle désamorce quelque chose, même si dans le fond il y a quelque chose de très beau quand il dit à ce moment-là, au moment où le fil tremble, et il dit je crois que les tours ne veulent plus de moi, je crois que à ce moment-là il y a vraiment quelque chose de l'ordre du cinéma qui s'installe. Enfin vraiment, on sent vraiment que Zemeckis parle, voilà, il raconte pas que l'histoire d'un mec qui traverse, il va vraiment plus loin. Là, c'est intéressant. Maintenant, il y a quand même des défauts. Pour moi, c'est pas la claque, vraiment. Mais je peux pas être insensible. Les 30 dernières minutes, honnêtement. Ouais, moi non plus, c'était pas la claque. Hein. Pas la claque. Mais j'avais pas, enfin, je l'attendais pas non plus. C'était pas ma plus grosse attente de l'année. Hein. C'est... Moi, un peu comme, enfin, pas, non, pas de l'année, mais honnêtement, en voyant le truc, j'ai fait, ouais, je vais vivre le film comme j'ai vécu Gravity, en fait. Tu vois, je compare à Gravity. Au final, non. Voilà, le dernier acte, faible. Rien que pour ça, faut le voir. Je peux pas. Il y a des gros défauts, mais le film, il est pas. Enfin, j'ai pas la virulence de Quentin. Au contraire, non. J'encourage les gens à y aller, franchement. Ouais, Zemeckis, bon, c'est pas le meilleur de Zemeckis. Le retour vers le futur, forcément. Voilà, donc on a fini sur The Walk. Et maintenant, on va pouvoir passer à la fin. Enfin. On est donc à la fin de ce très long podcast. Je sais pas combien d'heures on est, mais je n'ose pas imaginer, en fait. J'ai espéré les sushis de ce soir. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait sur mauvaisenerd.net, donc les podcasts et les critiques. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est mauvaisenerd. Sur Twitter, c'est movies_nerd. Et Google Plus, c'est MovieNerd aussi. Sur SoundCloud et PodCloud, vous retrouvez les derniers podcasts, que ce soit MovieNerd ou Pardon Cinéma. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer à Quentin. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Sur Twitter, donc Geek of the Galaxy, et Sens Critique, donc Quentin Ponel, voilà. D'accord. Et MovieNerd. Bien sûr. Twitter, Facebook, Sens Critique, Movies Nerd, et c'est tout pareil partout, c'est Eastark partout. Et Morgan. Sur Twitter, @cinemorgan. Sur Facebook aussi, hein, Morgan de la Fenêtre, ajoutez-moi. je donne mon blaze. Oui. Et sur votre caster, @cinemaniac. Voilà. D'accord, ok. Et moi, c'est sur Twitter et Sens Critique, The Lexal, voilà. Twitter. voilà, The Lexal sur Twitter et sur Sens Critique. Merci encore beaucoup d'avoir écouté. Merci à vous trois d'avoir participé, d'avoir pris autant de temps pour faire un podcast. C'était un plaisir de faire celui-là, vraiment. Ce fut très long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc. Voilà, c'était très plaisant à faire. Et on se retrouve le mois prochain pour un podcast qui devrait peut-être aussi être assez long, vu les films qui sortent aussi en dedans. Ah ouais, on va teaser, hein. Il y a Spectre, il y a je me salis pas la bouche, dites-le. Le voyage d'Arlo, surtout. Oui. Hunger Games, le voyage d'Arlo, et puis moi j'aimerais, mais je pense que c'est quasiment possible, j'aimerais pouvoir parler de Night of Cups, le prochain Terrence Malick. Il sort en novembre ? Oui, oui. J'en parlerai avec toi alors. On essaiera d'en parler si il daigne bien sortir ça dans nos salles. Pour le moment, moi c'est pas prévu du tout. Ouais, ça sent pas bon, mais en tout cas, j'essaierai de vous en parler si... Et si, là, je pourrais pas faire plein de kilomètres pour aller le voir, hein, ça peut être possible. Ok, d'accord. Merci beaucoup encore d'avoir écouté et on se retrouve le mois prochain. Salut. Ciao.